Salut tout le monde. Salut. Mais attends, c'est pas Yann qui doit commencer? Bonjour FX, je détiens Yann. Il va falloir jouer pour que je le libère. Où est-ce que j'ai foutu les pieds, mon corps? Bonjour Lucas, si toi aussi tu veux faire l'émission avec Yann, il faut jouer. Ah ouais, c'est quoi le jeu? Une devinette. Oh là là, ça fait peur ton truc là. Mon premier est le diminutif de la touche échappe. Ok, je pense savoir. Suivant? Maintenant, il faut le mettre sous forme de verbe. Et je comprends plus rien là. Mon tout est un jeu en IRL. Êtes-vous bilingue? Ah, tu m'as perdu. Escape game. Mais t'es revenu, Yann? Comment t'es sorti, toi? Tu avais laissé la porte ouverte. Ouais, aucune remarque autour de la table, hein, merci. Eh oui, t'es en l'air à ce point. Bref, il serait temps de commencer cette émission comme il se doit. Ouais. Allez, Flo, la crédibilité vient un autre jour, on y croit. Pour l'instant, on démarre cette toute première de la Geek Nation. Salut à tous! Salut! Est-ce que vous êtes chaud dans le public? Ouais! Wouhou! Bonne année et bienvenue dans ce tout premier numéro de la Geek Nation et merci d'essuyer les plâtres avec nous pour cette première. Et comme pour toutes les premières, les présentations s'imposent. Tels Sheldon Cooper et Leonard Hofstadter déclarant leur appartement en nation souveraine, ici aussi pendant 2 heures tous les mois, nous serons une nation. Une nation dont ligne pourrait être... ça. Ah mais c'est Buffy ça. Ou bien ça. Ah ouais, ça me parle mieux déjà. On sent les nostalgiques. Oh chala. Ou bien ça. Quel grand jeu. Quel grand jeu. Vous l'aurez compris, une nation où la pop culture, le gaming et le numérique est roi. Et vous ne vous trompez pas, nous sommes nombreux et ce n'est pas nos trophées, nos nombreux... succès, qui diront le contraire. Ah oui, au fait, chez nous, on reconnaît les axolotes et les Pokémon comme animaux de compagnie. Pikachu ! C'est mignon. Notre cher Jupiter est persuadé que nous sommes la Startup Nation, mais la vérité est bel et bien ailleurs. Mon nom est Yann Ritter, et bienvenue dans la Geek Nation. Et vous savez pourquoi ? Parce que c'est notre projet ! Yann, rassure-moi, t'as pris ta carte ou comment ça se passe? Non, pas encore. Okay, et merci. C'est pas près d'arriver. Maintenant que tout est clair... Alors, enfin, presque, hein, on est d'accord. Avec moi, notre ministre du gaming. Salut FX. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Si je vous dis Big Bang Attack, Dodonpa, Genki-Dama, vous me répondez? Dragon Ball. Merci, coach. Sûrement. Merci beaucoup. Effectivement, c'était pas trop difficile, mais je vais vous ménager quand même pour la première. Donc, j'évoquerai dans ma partie les jeux Dragon Ball ayant marqué de leur empreinte l'histoire vidéoludique. Un avis purement subjectif et soumis au débat, bien sûr. Ensuite, je vous parlerai de la récente acquisition que j'ai faite d'un kart mode. Alors, j'expliquerai bien sûr ce qu'est un kart mode concernant un jeu Mega Drive pour les nostalgiques et de l'avantage de passer par ce type de reproduction. Et pour finir, bah, vu que c'est la première, et si on parlait de vos premières fois vidéoludique. Ah, vidéoludique. Ah ouais. Parfait, ça. Mais, déçu, et avec toi, FX, notre ministre du cinéma, Florian. Salut Florian, sur quoi tu t'es arrêté ce mois-ci? Salut Yann, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, ce mois-ci, on va parler cinéma, hein, pour changer. Pas cinéma récent, pas cinéma dans un futur proche, mais cinéma qui parle de Batman. On va évoquer les films Batman, et en particulier mon film Batman préféré. Ok, alors, et si on démarrait? Ciné. Game. Actu. La Geek Nation. Mais n'oublions personne, ce serait dommage. Avec nous pour nous parler du numérique, Lucas, notre décodeur. Salut Lucas, pas trop intimidé? Salut, non, avec plaisir d'être avec vous aujourd'hui autour de cette table pour parler du numérique. Alors c'est quoi ton sujet ce mois-ci? Bon, j'ai décidé de faire une rapide rétrospective de la décennie du numérique. Cool. Donc on va regarder ça ensemble. Là, on est prêt à commencer. Mais avant de commencer, il reste quelqu'un autour de la table que nous n'avons toujours pas présenté. Ah, pardon. L'homme à la casquette. Le meilleur pour la fin. Mais qui est-il? Peut-il se présenter à nous? Eh bien, bonsoir, je m'appelle David Perret, alias Coach, et je suis un des 4 fondateurs du lieu dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire le 4Gamer. Et c'est quoi le 4Gamer? Bien, le 4Gamer, c'est le premier et l'unique bar gaming de la ville de Saint-Étienne. Le premier et l'unique? Premier et l'unique, oui, tout à fait. Car on a eu quelques concurrents qui ne sont pas restés suffisamment longtemps pour nous tenir tête, et nous sommes les derniers survivants. On leur fait un petit bisou d'ailleurs. Ouais, ça sent l'apocalypse zombie. À ce point-là, non. Alors, dis-moi, pour te présenter un petit peu, plutôt que de faire un interrogatoire de police, ce serait dommage. Ouais, ma première question sera, quel est ton meilleur souvenir de gaming? Meilleur souvenir de gaming, on va parler de mon jeu favori alors. On va parler d'FF8. Oh. et non pas FF7. Ça va, je te trigger pas trop, toi, à côté? Ça va. Ça va. Ouais, meilleur souvenir de gaming, FF8, je devais avoir quoi, 10-12 ans, un truc comme ça. Et un grand moment. Très, très, très, très grand moment. Cool. Et à part ça? Bon, à part ça, qu'est-ce que tu veux que je vais parler de moi, c'est ça? Oui, il faut parler de toi. Eh bien, j'ai 31 ans. Je suis passionné, bah, évidemment, par le jeu vidéo, mais pas que. Un petit peu de rap. Donc, on verra ça un peu plus tard, il me semble. J'ai cru entendre qu'il y aurait quelque chose comme ça par la suite. Ouais. Et, c'est une petite surprise, mais oui, on a ça. Petite surprise, voilà. Comment spoiler? On est là pour spoiler aussi un petit peu. Non et puis, voilà. Donc, 4Gamer, je m'occupe de tout ce qui est animation. Communication et depuis quelques temps le streaming, puisqu'on a lancé notre chaîne Twitch, chaîne YouTube et tout le bordel qui va avec. Donc voilà. Et vous streamez quoi et vous streamez quand? Alors je stream particulièrement tous les lundis soirs pour faire la présentation du planning de la semaine du bar. Et j'enchaîne derrière avec des jeux multiples, hein, le multigaming, parce que comme vous le savez sur Twitch, c'est au choix. Soit t'es fort, soit tu fais divertir les gens. Moi je suis pas fort, voilà. Donc on va partir sur le côté divertissant et donc je joue avec des potes, des clients. Pour la plupart, et on s'amuse. En ce moment, c'est un peu de Path of Exile, un peu de Frostpunk. Ça c'est bon. Frostpunk, très bon. Très bon, Frostpunk. Merci. J'approuve, coach. Voilà, et puis FF8 Remaster. Plus que FF8. Et puis FF8 Remaster. Ouais, non. Non, mais voilà, merci, bon, après le Remaster, bon, on va pas en parler. Mais voilà, donc c'est un petit peu ça qu'on fait en streaming. Et puis, de temps en temps, on stream en direct du bar. Donc ça peut être retransmission de tournoi, comme il y a eu hier. Bon, c'était pas sur notre chaîne, c'était sur la chaîne de l'AESE. Il y a eu un gros tournoi à Smash Bros qui a réuni plus de 35 joueurs. Joli. Et c'était en direct sur Twitch. Ils avaient tout le matos, fond vert, etc. Ok. Ça peut être aussi des petits events que je fais. J'adore faire des tournois sur des jeux qui ne sont pas faits pour faire des tournois. Du genre un tournoi hyper compétitif sur Star Wars ou Speedrunners. Voilà, ça finit assez mal, mais on rigole bien. D'accord. Nous aussi, on va bien rigoler parce que c'est l'heure de lancer notre premier jeu, le Master of the Geek. Oh yeah. Le Master of the Geek, qu'est-ce que c'est? C'est 9 questions et une question de culture bonus pour l'un d'entre vous qui va faire le tour de l'actu du mois. Est-ce que vous êtes prêts? Non. Non, pas du tout. La première question est une question gaming. Bon, ok, je vais me coucher. Qu'a annoncé CD Projekt Red à propos de Cybercom 2077 en fin de semaine dernière? Son report. Report. Pour quand? Pour septembre 2020. J'ai pas la date précise. Le 17. Mais très bonne nouvelle. Bravo, coach. Pourquoi? Et c'est une bonne nouvelle. Excellente nouvelle pour deux raisons. Première raison, tout report de jeu est une bonne nouvelle. Je suis d'accord. Oui, voilà. Si on a une date derrière, oui. Non, mais même si on n'a pas de date, ça veut dire que les gens prennent leur temps pour finir leur jeu au lieu de le sortir tout buggé et de nous sortir des mises à jour pendant 6 mois. On est d'accord. Deuxième bonne nouvelle. Il y a des contre-exemples. D'accord. Là, on est d'accord là-dessus aussi. Deuxième ça lance le débat. Bonne nouvelle, c'est que ils avaient d'abord annoncé le report de FF7 Remake et ce report plaçait les deux jeux à 4 jours d'intervalle. Alors je ne peux pas terminer FF7 Remake en 4 jours, c'est pas possible. Voilà, c'est tout simplement donc ça. Donc ils ont écouté ton agenda personnel. Voilà, ils ont écouté mon agenda personnel. Ils se sont dit, bon, bah, le coach, il faut qu'on lui laisse quand même un petit peu de temps pour finir FF7 Remake. Et ils l'ont repoussé Cyberpunk à septembre, ce qui me laisse bien 3-4 mois là. Comme quoi, vous c'est voyez, jouable. Même pour cette première jouable. De la Geek Nation, on n'a pas n'importe qui en invité. Hein, c'est beau, hein. Effectivement. Le mec, il est calé quand même. Et pour rappel, le multi est annoncé pour 2022. Je m'intéresse pas. Sorry. Deuxième question, ce sera un pari. Un pari ciné. Sans compter 1917, combien de films de Seven Days vous pouvez-vous me citer? 0. Moins 1. 1. Ouais, moins 4. Moi, je suis à 1, perso. Hein. Oh, la question. C'est... Non. J'en ai un, voilà. Tout. Voilà. Pas mieux? Non. Non, pas mieux. J'en attends minimum 6. Ouais, bon. Wow. Oh, là. Hey, j'ai le score le plus élevé pour l'instant. Hein, donc... Florian, cite-moi le film que tu penses. Skyfall, l'avant-dernier James Bond oui, en date. Oui, c'est vrai. Oui, alors nous avons en 99 bon American film. Beauty. Ah oui, tiens, c'est vrai. En 2002, Les Sentiers de la Perdition. Bien sûr. Ah oui. En 2005, Jared, Le Temps de l'Innocence. En 2008, Les Noces Rebelles, avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. En 2009, Away We Go. 2012, Skyfall. En 2015, Spectre. Vous ah oui, c'est lui qui l'avait fait aussi, Spectre aussi. Vous auriez pu au moins m'en citer deux. Ah non, mais j'avais zappé que c'était lui qui l'avait fait aussi, Spectre. Et j'ai un petit extrait de la bande-annonce de 1917 à vous faire écouter. Blake, choisissez un homme. Prenez votre pactage. J'espérais que ce serait une bonne journée. L'espoir, c'est dangereux. Vous avez un frère au 2e bataillon. Oui, mon général. Ils vont tomber dans un piège. Vous avez ordre de leur remettre un message annulant l'assaut de demain matin. Si vous échouez, ce sera un massacre. Si on en parlait deux minutes... Pourquoi ? On a l'ordre de traverser ici. Là, c'est le front allemand. Tenez bon ! Si on s'y prend mal, personne n'arrivera à rejoindre ton frère. Si, moi. Vous en pensez quoi ? Ça donne envie. Je regrette de ne pas encore l'avoir vu. Je crois qu'il est sorti cette semaine ou la semaine dernière. Et ça a l'air d'être acclamé par, unanimement par toute la critique. Qui l'a vu ? Moi, je l'ai vu ici. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Incroyable. Le plan, enfin, je ne vais pas trop spoil, mais la révolution scénaristique est incroyable. Enfin, la manière dont ça a été tourné, je trouve ça incroyable. Enfin, vous verrez de toute façon. Hein. Okay. Et puis la BO, elle est juste folle. Voilà. Donc, c'est officiellement incroyable. Voilà, super. Officiellement. Je déclare ça. Bon, ça parle d'allemand, je suis chaud. La BO, tu sais qui c'est, Lucas ? Il me semble que c'est Andy Zimmer. Ouais, Andy Zimmer. Qui réalisera la BO du prochain James Bond, d'ailleurs. La troisième question est une question d'actualité. C'était dans les journaux il y a quelques semaines. Le coronavirus ? Non, j'aurais pu, mais non. Secours. Qu'a réussi l'entreprise SpaceX ? Plein de choses. Ah, beaucoup de choses, mais récemment ? Ouais. Récemment, j'ai pas suivi non plus, je t'avoue. Est-ce que c'est le fait qu'ils aient annoncé quelque chose ? Non. Ils ont réussi un truc et ça annonce de très belles choses pour eux pour la suite. On peut pas avoir un petit indice là ? C'est un rapport avec Mars. D'accord. Ils ont prévu, ils savent à peu près quand est-ce que on va aller sur Mars. Maintenant, ils peuvent le savoir après ce qu'ils ont fait. Ils ont construit un matériel spécial pour pouvoir non. aller sur Mars. Oui, mais pas tant. Ils ont découvert qu'il y avait de la vie sur Mars. Non, il n'y a pas de martiens. Un peu plus que ça. Ils ont conçu quelque chose qui permettrait à l'homme d'aller sur Mars. Ouais. Ok. D'accord. Vous voulez la réponse ? Vas-y, précise du coup. Ils ont testé le système d'éjection d'urgence de leur capsule Crew Dragon dimanche 19 janvier. C'est le tout dernier test que la NASA leur demandait et ils l'ont validé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce sont ces navettes-là qui vont partir sur Mars d'ici quelques mois pour les premières explorations et après pour les vols habités. Wow. D'accord. Wow. Okay, d'accord. Une fausse situation de crise a été simulée pendant le vol et ils peuvent commencer sérieusement à envisager les premiers vols sur Mars, sachant que Boeing était en compétition et qu'ils ont un peu perdu le contrat pour le coup. Ok, d'accord. Okay. Dommage. Bon, une question gaming. Allez, allez. Je suis chaud là. Quelle est la console la plus vendue de la décennie aux USA ? Wow. La PS4 ? Ouais. Gagné ! Ouais, c'est ce que c'était pas trop difficile. Ah. Non, la Alors, décennie. Bien trop fort. Pour donner quelques infos de plus, la PS4 est bel et bien la console la plus vendue de 2010 à 2019 aux États-Unis. Oui. Et... La petite dernière console de Sony s'est écoulée à 106 millions d'exemplaires dans le monde depuis sa sortie. Ouais. Mm-hmm. Mais cette année, en 2019, c'est la Switch qui gagne en termes de vente. Oui, oui, la Switch. Effectivement. Faut lui laisser quelques temps, elle pourra peut-être dépasser. On espère, mais on va pas être trop partisans. Non, parce que je suis plus partisan PlayStation de façon. Moi, c'est la Nintendo 64. Oh, putain. La GameCube est pas mal aussi. Hein. Un NSX sur ma droite. Droite, du coup. Tu nous feras une déclaration à la fin de l'émission, peut-être. J'ai rien entendu. Question suivante. Après Joker, que va faire Jared Leto pour se passer les nerfs ? Je sais. Enfin, je crois savoir si j'ai pas de coup. Il est à l'affiche d'un film qui sort à la fin de l'année. Est-ce que c'est ça la réponse ? On en parlait tout à l'heure en off, avant le début de l'enregistrement de l'émission. Il va jouer un personnage qui s'appelle Morbius. Ouais. Un méchant issu de l'univers de Spider-Man. Ouais. Et qui le film sort, si je dis pas de bêtises, à la fin de l'année. J'ai pas la date, mais c'est un méchant qui est. J'ai mon micro qui se casse la figure. Mais tout va bien. Problème. Non voilà, un méchant qui s'appelle Morbius et qui ressemble un peu à un vampire. Simon. Mais c'est ça. Voilà. Tu veux d'autres infos ou pas ? Le jour où je l'ai maté, l'heure. Non, c'est bon, ça me va. La bande-annonce a l'air toute pourrave. Je l'ai vu, ça a l'air dégueulasse. Merde. Quelle culture, Florian. Voilà. Une question numérique. Ah, Yann, tu me fais plaisir. Lucas. Allez. T'es sur tes épaules. On se calme. Je cherche la date de lancement de Disney+ en France. Eh ben, c'est très facile puisque c'est. Mars 2020. Point. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as le jour ? Oui, le 16. Raté. Non, c'est le 2. C'est le 24 mars 2020. Il a tenté. Merci Flo, merci. Florian souffle des trucs qui sont faux, c'est génial. Génial. Disney prend un peu d'avance sur son planning d'ailleurs, vu qu'ils comptaient le lancer beaucoup plus tard. Et les abonnements sont annoncés à 6,99€ par mois. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait de vous abonner à Disney+ ? J'en ai absolument rien à foutre. Ça, c'est clair. Est-ce qu'il n'y a pas une série qui nous est bloquée, qui est juste sur Disney+ ? The Mandalorian, par exemple ? Ouais. Ah, il me semblait qu'il y avait quelque chose comme ça. Et toutes les futures séries Star Wars aussi, forcément. C'est ça, oui. Oh, je craquerai peut-être mon billet. Petite question bête, c'est mais sur Disney+, il y aura tous les classiques Disney, j'imagine, en dessin animé. Sauf quelques-uns qui ont été censurés, mais oui. D'accord. Non, ça peut être intéressant. Étant donné que j'ai une fille de 5 ans, à mon avis, oui, je vais y avoir droit. Bien sûr. Non, je m'en fous, je suis abonné à Netflix, ils viennent de remettre ou ils vont remettre les, tous les films des studios Ghibli, donc le temps que je me les refasse. Oh, ça c'est, ouais, c'est vrai que j'ai vu ça passer sur Twitter. Ouais. Et Yann, c'est quoi les films que tu disais qui vont être censurés? Déjà, Mélodie du Sud ne sera toujours pas disponible, mais ça on s'y attendait un peu, parce que bon, c'était un peu le film le plus raciste de toute l'histoire de Disney. Et certaines, tu m'apprends quelque chose, là. Certaines scènes de certains films Disney sont jugées aujourd'hui beaucoup trop sensibles pour les enfants, donc elles risquent d'être coupées et diffusées avec un carton disant « ce film date d'une autre époque, okay. Donc faites gaffe ». Bienvenue en 2020, quoi. C'est ça. Ah là là. Ouais, genre dans le livre de la jungle, quand Mowgli s'allonge sur le ventre de Baloo, c'est dégueulasse. Ouais, franchement, ça se fait pas, on peut pas montrer c'est ça aux gosses. C'est l'apologie de la zoophilie, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ouais, super. Question suivante. Selon les lecteurs de jeuxvideo.com, quel est le jeu le plus attendu pour ce début d'année? J'en sais rien du tout. Cyberpunk. Et non, il est reporté. Pour ce début d'année? Oui. Ah, je croyais sur l'année 2020. Est-ce qu'on peut avoir la première lettre au moins? F. Ouais, parce que... ouais, cette remake, F. quoi. Mais à un moment, faut savoir rester sérieux dans la vie. Toi, bon, bah voilà, voilà. Je pose même pas la question de savoir s'il est vraiment attendu. Bien parce sûr que là. Qu'il est attendu, évidemment qu'il est attendu, monsieur. Ça fait des années qu'on nous dit, que Square Enix nous a dit non, c'est pas possible, on le fera jamais. Pour arriver sur la scène de l'E3 en 2015, je crois, et nous pondre le plus gros trailer de l'histoire du trailer et nous dire bim, vous le vouliez, ben on va le faire. Okay. Donc oui, on l'attend. Ça serait pas des spécialistes du recyclage un peu quand même Square Enix aussi? Alors ça suffit. On peut dire la même chose de Capcom récemment avec les Resident Evil. Oui, ils ont pas le contraire. Oui, ils ont des défauts, mais ils nous pondent quand même des petits bijoux des fois, donc on peut excuser certaines. Enfin non, on peut pas excuser, mais c'est pas grave. C'est le fanboy qui parle. Je pense qu'à ce niveau-là, niveau cinéma, on peut aussi parler de Disney. On lance un débat ou ça ira? Ouais, alors, c'est bon. Ça va, pas tout de suite le débat, ça viendra. Vous m'avez donné la réponse à cette question. Il y a 10 secondes, mais je vous la pose quand même. Quelle collection de films va faire son apparition très bientôt sur Netflix? Les studios Ghibli. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez vraiment de revoir ou revoir sur Netflix d'ailleurs de Ghibli? Alors moi, un peu tout, parce que le truc, c'est que j'en ai pas vu autant que ça. Je crois que j'ai vu Princesse Mononoké. Je crois avec que j'ai moi vu... au cinéma. Avec toi au ciné, c'est ça. Je crois que j'ai vu Le Voyage de Chihiro et j'ai dû en voir deux ou trois autres. Les titres me reviennent pas, mais j'en ai pas vu tant que ça en fait. Donc j'ai hâte de tous me les remater, quoi, clairement. Arrietty aussi, j'aime beaucoup, moi, un classique que j'ai découvert avec ma fille, que j'aime beaucoup aussi, que j'aimerais bien revoir. Oh oui, c'est vrai que c'est cool comme film. La question suivante est une question cinéma et elle est plutôt pour Florian. Attends, rien n'est joué. Que reprochent Matt Smith et David Tennant à Doctor Who? C'est pour nous ça, coach Doctor Who, c'est pour nous. Bien sûr, bien sûr. qu'est-ce qu'il reproche à Doctor Who actuellement? Oui. Le fait que le docteur soit incarné par une femme? Non, au contraire, ça ils adorent. Mais il y a un truc qui reproche à Doctor Who. Le scénariste? Non. À la série au moment quand ils jouaient dedans ou actuellement? Non. Actuellement. La façon dont elle est construite en non. elle-même? Est-ce que c'est en rapport avec une personne? Non. Avec Jean, c'est trop rien. Là, t'es seul, mon pote. Je vois que je suis seul. Je le sens bien que je suis seul, là. C'est bon. David Tennant a invité récemment Matt Smith dans son podcast et ils se sont mis d'accord ensemble pour dire que c'était vraiment dommage que Doctor Who n'ait plus d'épisode de Noël. Ah, d'accord, oui. Là, ça me revient. Fais semblant, vas-y. Ouais. Et Fix, cette question, elle est pour toi. Et surtout, ne l'aidez pas. Ah. Jeanne, au secours. Okay, la question bonus. À quoi servent les triangles de couleurs sur la tranche des jeux Nintendo? Oh, je sais. Attendez, pour une fois que Lucas, il sait un truc. Vous pouvez répéter la question? À quoi servent les triangles de couleurs sur la tranche des jeux Nintendo? Et la tranche de quel jeu? De tous les jeux Nintendo. Un triangle? Ouais. En bas, à droite ou à gauche. C'est un truc d'Illuminati, ça, non? C'est d'Illuminati, c'est ce que j'allais dire. Non. Et franchement, j'en sais rien. Tu regarderas, c'est un truc que tous ceux qui font des full sets savent aujourd'hui. Ah mais oui, non mais les triangles, oui, les triangles remplis de couleurs, oui, oui je vois. Les alors, triangles d'accord. de couleurs, oui. Oui, oui. Alors ça sert à je quoi? Je vois, mais je sais plus. Donc je te pourrais pas te donner la réponse clairement et précisément. Ça a une signification sur l'âge peut-être des jeux, non? Non. Alors la signification. C'est pas une histoire de région? Si. Ouais, ah, justement. Ah, oh. Ça m'est revenu. Ouais. Ces jeux sont tous sortis en Europe et en Europe on a plusieurs régions. Des jeux qui sont faits pour la France, d'autres pour le Benelux, d'autres pour l'Italie, l'Angleterre, etc. Et c'est le moyen que Nintendo a pour différencier dans quel pays ils sortent et dans quelle zone ils sortent leurs jeux. Okay. Et certains font des full sets avec juste des jeux français ou juste des jeux européens. Effectivement. Ok. Okay. D'accord. Effectivement. Et selon les zones, le prix des jeux peut varier du simple au double, voire au triple. C'est ça. En fonction de la localisation de certains jeux. Là, notamment sur les jeux rétro. Dès qu'on parle de FAH, je donne juste un exemple hein, sur du Super Nintendo, qui est donc le FAH, c'est pour France and Hollande. Le prix sera beaucoup plus élevé parce que la demande sera beaucoup plus forte par rapport à une version UKV par exemple qui sera sortie donc comme le titre l'indique au Royaume-Uni. Voilà. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, Conquerac, ça fait une super vidéo là-dessus. Oui, oui. Ok. Bon. Je crois que maintenant, c'est au tour de Florian. Et si on se faisait une toile ? Et si on se faisait une toile ? Alors, aujourd'hui, c'est pas très compliqué, je l'ai dit en intro, je vais vous parler de Batman. Parce que Batman est le super-héros favori de plein de gens, dont le mien. Hein. Pas très original, mais c'est pas grave. Mais avant ça, une petite musique pour vous mettre dans l'ambiance. Oh, ça, c'est bon. Voilà. J'approuve. Il est né en 1939. On l'appelle parfois le Chevalier Noir ou encore le plus grand détective du monde. Je veux bien sûr parler de Batman. Dans le monde merveilleux du cinéma, Batman a eu le droit à de nombreux films. Du tout premier Serial en 1943 où Batman et Robin affrontent un espion japonais. Et oui, à l'époque, hein, voilà, ils faisaient avec ce qu'ils avaient. Jusqu'au dernier film à ce jour, Justice League, sorti en 2017. Et si on veut être un peu plus précis, je pourrais même vous parler du film La Grande Aventure Lego 2 qui est sorti en 2019, mais comme Batman n'est pas vraiment le personnage principal, je vais donc m'abstenir de le faire. Puis c'est surtout que je ne l'ai pas vu aussi. Hein. Si j'ai voulu parler des films Batman pour cette première de la Geek Nation, c'est surtout pour vous parler de ce qui fait pour moi l'intérêt des films Batman au cinéma et donc de vous dévoiler mon film Batman préféré. Mais avant d'aborder un peu plus précisément ce sujet, je serais curieux, cher chroniqueur, cher Yann, cher coach, d'avoir vos avis sur la question. Lucas, par exemple, quel est ton film Batman préféré si tu en as un ? Oh, bah, je vais te dire The Dark Knight Rises. Je te laisse faire la traduction. Super accent évidemment. Anglais. Ouais, ouais, je te laisse faire la traduction. Ah non, t'as dit, ah non, en plus, je viens de capter, tu as dit Dark Knight Rises. C'est même pas le celui avec le c'est Joker. C'est le troisième de Nolan. Ah non. Ouais, non, en fait, je vais t'expliquer pourquoi. Mais vas-y, je t'en prie. Merci. Je vous laisse la parole. C'est juste le seul que j'ai vu, en fait. Ah. Et puis, non, je rigole. Évidemment, j'ai vu les autres de Nolan. Mais la mort de Cotillard. C'est ça qui t'a marqué. Comment putain, une telle grossièreté a pu passer à l'écran quand même. Ouais. Enfin, d'ailleurs, c'est pas passé. Hein. Ça, oh, la pauvre, elle était enceinte. Un grand moment de solitude au cinéma, ça. Ok. FX, est-ce que toi, tu as un film Batman préféré ? Oui, c'est Joker. Oh. J'ai une bande de trolls à côté de moi. En fait. Est-ce que j'ai un film Batman préféré ? Comme ça, de but en blanc. Oui, le Batman de Burton, hein, on va faire dans le classique. Le premier ? Ouais, le premier, ouais, de 89. 89, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est celui qui m'a le plus marqué de par son ambiance, le fait qu'il y ait Julien Lepers qui joue dedans aussi, ça c'est. C'est bien connu. Ça, Julien Lepers. Alors, est-ce que tu, c'est Michael Keaton, hein, c'est le, ça, oui, c'est le nom de. Tu vois qui c'est, Michael Keaton ? Ouais. Bah, tu iras voir des photos sur Google après. Tu mets Michael Keaton, Julien Lepers côte à côte. C'est limite c'est des sosies. Ah, c'est un merde. Truc de fou. Bah, même d'accord, les gars. Même ah bon. Maintenant, quand tu le revois dans Spider-Man Homecoming, c'est toujours Julien Lepers vieux. Hein. Ouais, enfin bon, bref. Et j'aime beaucoup, mais alors vraiment beaucoup, dans ce film, Jack Nicholson dans son rôle du Joker, qui a donné ses lettres de noblesse au Joker en premier. Je suis d'accord. Ouais. Yann, est-ce que toi, tu as un film Batman préféré ? Oula. Ah oui, j'interroge même l'animateur. C'est fantastique. Oula, c'est dur. Hein. J'allais te dire comme ça, The Dark Knight, le deuxième de Nolan et sûrement le Batman de 89, mm-hmm. parce que le Joker est très certainement un de mes méchants préférés. Ah, je sens le mais arriver. Mais j'attends énormément du prochain film avec Robert Pattinson. J'ai vraiment une bande de trolls à côté de moi en fait, hein, c'est clair. Et vous, cher coach, avez-vous un film Batman préféré ? Bah écoute, comme tout le monde est en train de troller, je vais dire Justice League. Non, pas du tout. Non, je pense que je vais plutôt dire comme FX, c'est-à-dire Dark Knight Rising, c'est ça ? Rises. J'ai moyennement apprécié. Par contre, ce qui avait été fait avant, notamment avec le personnage du Joker, comme il l'a dit Jack Nicholson, bon, ça reste du classique. Voilà. En ce qui me concerne, de l'ensemble de la carrière cinématographique de Batman, si on peut l'appeler tel quel, j'ai vu 8 films. Il y a eu l'adaptation de la série télévisée en 66, hein, avec le fabuleux son qu'on a entendu au tout début. Oui. On peut le remettre si tu veux. Allez, vas-y, je t'en prie. Voilà. Ça, c'était une bonne ambiance à l'époque. les deux films de Tim Burton, parce qu'il y en a eu deux, les deux films de Joel Schumacher, hein, je vous rappelle quand même qu'il y a eu Batman Forever et Batman et Robin, le fameux. Avec George Clooney et Val Kilmer. C'est ça. Et Arnold Schwarzenegger aussi. Hein. Et les trois films de Christopher Nolan. Alors déjà, pour poser les bases, pour moi, Batman, c'est un super-héros sombre, tant dans l'apparence que dans le mental. À ce titre-là, si je devais faire un top 8 de mes films Batman préférés, le film de 1966, il serait bon dernier. Bon, on l'a entendu au niveau du son. Hein. Ouais, vas-y, remets un peu. Je peux faire ça toute la journée. Voilà, c'est un gros kiff, ça. Il n'y a qu'à écouter le générique de la série dont il est adapté, justement, pour se rendre compte que dans les années 60, il n'y a pas qu'à Woodstock qu'on fumait des trucs chelous. Ouais. Ça suffit, oui ouais. Oh. Et franchement, les collants aussi. Hein oui, ah, non, mais il y a plein de choses. C'était du 100% Adam West. 100% acrylique. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu ce film, je vous jure, mettez-le, c'est à mourir de rire. Et je crois que sur Internet, c'est le joueur du grenier qui en avait fait une critique. Ouais. Mettez-le, ça résume très bien l'esprit du film. Ah ouais, c'est très drôle. Ensuite, Batman doit quand même être un personnage à minimum sérieux. On est d'accord. Parce qu'il doit faire régner la paix sur Gotham tout en bottant le cul des méchants. Et là, je vais mettre dans le même panier les deux films de Joel Schumacher, Batman Forever et Batman et Robin. Parce que Batman Forever, c'est vraiment le film Batman avec lequel j'ai le plus de mal parce que j'arrive vraiment pas à encadrer les deux méchants du film. Enfin, Jim Carrey encore, ça va à peu près. Mais j'ai oublié le nom de l'acteur. Tommy Lee Jones, je te remercie, cher Yann. Je peux pas. Et puis alors, je vais m'arrêter un petit moment sur Batman et Robin. Parce qu'on dit très souvent que c'est le pire film Batman. Mais celui-là, il est tellement mal joué et tellement scénarisé et surtout tellement con qu'il me fait beaucoup rire. Je pense que la prochaine fois que je le mate chez moi, j'invite des potes ou des collègues de boulot à tout hasard et on se fait un jeu à boire à chaque fois qu'il y a une connerie. Je pense qu'on est très vite bourré au bout de 5 minutes. Vraiment. Prise, t'es givré, voilà. Oui, sacré réplique. La meilleure réplique de tout le film, je pense. Qu'est-ce qui a tué les dinosaures ? L'ère glaciaire. C'est quand même, à ma connaissance, le seul film Batman dont le réalisateur s'est excusé publiquement de l'avoir réalisé. Quoi. Ah, c'est vrai. On en est à ce niveau. Quoi. Ses excuses sont aussi dans le making-of. Mais il s'est excusé dans la foulée ou rétrospectivement ? Non, rétrospectivement. Ah, d'accord. Okay. Mais quand il s'est aperçu de tout ce qui se ramassait, tous les sauts de merde qui se ramassaient sur la gueule au fil des années, il avait « je suis désolé ». C'est quand même, je rappelle, le film Batman qui s'ouvre sur des plans de cul et de tétons. Voilà, si vous ne l'avez pas vu. Ouais. Joel Schumacher. Bah, ça m'intéresse du coup. Dans notre cœur. Donc à ce niveau-là. T'aimes les culs et les tétons. J'adore ça, Yann. J'adore ça. C'est ma à ce niveau-là, vu que j'en ai déjà éliminé 3 des films, il en reste 5. J'ai toujours pas dit mon film Batman préféré. C'est long, hein, mais c'est pas grave. J'aime faire durer. Vas-y, fais Il y a les deux de Tim Burton et les 3 de Christopher Nolan. Et autant vous le dire tout de suite, ma préférence à moi se trouve dans les deux films de Tim Burton. Parce que oui, Christopher Nolan, c'est un très bon réalisateur. On va pas y revenir là-dessus. Oui, il est à l'origine d'une des meilleures incarnations du Joker de tous les temps, pour moi. Et oui, les 3 films sont bons. Je suis d'accord. Toujours pour moi. Jusque-là. Mais pour moi, l'univers de Tim Burton, il s'applique beaucoup plus à Batman que celui de Christopher Nolan. Christopher Nolan, il est très bien dans d'autres trucs, ce qui concerne la science-fiction notamment, je trouve. Mais voilà, l'univers de Batman, pour moi, c'est Tim Burton avant tout. Et je dis pas ça parce que je suis fan de Tim Burton. C'est vraiment un truc que je pense, hein, je précise. Alors, lequel choisir ? Est-ce qu'on a le Batman de 1989 ? On en a parlé avec Jack Nicholson qui incarne le Joker. Ou Batman, le défi, en 92, avec Michel Pfeiffer. J'arrive pas à prononcer. Michel Pfeiffer. En Catwoman et Danny DeVito dans le rôle du pingouin. Et le grand gagnant sera le film dont vous allez entendre la musique tout de suite. Voilà, ça c'est une bonne ambiance pour un film à Batman. Bienvenue sur Geek Nation ASMR. Pardon, excusez-moi. Oui, c'est Batman le défi, mon film préféré. C'est au Batman Returns en version originale. Il a été réalisé par Tim Burton en 92. Et je l'ai dit, il y a Michel Pfeiffer, il y a Danny DeVito et il y a surtout Michael Keaton qui enchaîne là son deuxième film Batman avec Tim Burton. Alors, pourquoi ce film ? Parce qu'on en a parlé, il y a Batman avant avec le Joker. Pourquoi celui-là ? 3 raisons. La première, c'est que, fort de son expérience sur le premier film, Tim Burton a gagné la confiance des studios dans celui-là. Et il a quand même pu se lâcher beaucoup plus. Ça se ressent quand vous voyez le film. Il y a des thèmes qui lui sont chers qui reviennent beaucoup plus que dans le premier. Il y a beaucoup de choses techniques, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais surtout, voilà, pour le fait que Tim Burton a beaucoup plus pu faire ce qu'il voulait sur celui-là. La deuxième raison, ce sont les méchants. On a quand même 2 méchants pour le prix d'un. Dans celui-là, on a Catwoman et le pingouin, voire 3 si on compte celui de Max Schreck. Voilà, encore des noms compliqués à prononcer. Qui est incarné par Christopher Walken dans le film, c'est un industriel millionnaire qui manipule le personnage du pingouin et qui est à l'origine de la création de celui de Catwoman. Ouais. Quand même. Batman ne serait pas un super-héros si populaire s'il n'avait pas affaire à des méchants de qualité. Mmh. Et là, non seulement c'est le cas, mais en plus, l'histoire de leurs origines est, je trouve, très bien amenée. Troisième et dernière raison qui fait que Batman le défie, mon film Batman préféré, ben, c'est beau. Hein. Voilà, c'est un peu con à dire comme ça, mais l'image est très bien travaillée. La composition des plans ou leur signification est impeccable. À ce niveau-là, je vous encourage à remater le film et à vous intéresser à la scène de la création du personnage de Catwoman et exemplaire à ce niveau-là. Ceux qui ont vu le film, je pense, me comprendront. Mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord, cher collègue qui est à côté de moi, que ce soit Lucas, Yann, etc. J'attends vos réactions sur ce que je viens de dire, si jamais vous en avez. Lançons un débat, je n'en sais rien. Est-ce que vous trouvez que j'ai raison? Est-ce que vous trouvez que j'ai tort? Est-ce que vous trouvez que je devrais plutôt arrêter de parler? C'est vous qui décidez. Moi, je trouve que tu m'as donné envie de regarder ce film, de re-regarder ce film. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup plus de souvenirs du Joker de Nicholson. Mm-hmm. Et c'est vrai que j'ai moins de souvenirs de celui-là, mais il faudrait que je me le remette, effectivement. Mais il est très bon, ça fait des années que je le dis, ça fait des années que c'est mon film Batman préféré. Je pense que Yann, ici, que je connais depuis très longtemps, peut le confirmer, j'arrête pas de le saouler avec ça. Oui, je confirme. Voilà. Et je confirme que je l'aime toujours pas. Ah, mais chacun son avis. Je comprends l'idée. Moi, je confirme ton idée de dire que ce qui fait de Batman, que c'est un grand super-héros, c'est par la qualité de ses méchants. Notamment dans Batman le défi. C'est vrai que Michel Pfeiffer et Danny DeVito, alias Catwoman et le Pingouin, c'est superbement bien joué, incarné, ce qui donne de l'épaisseur au héros. Il y a tout un travail dans ce film aussi qui est exceptionnel, ouais, comme on disait, sur le rapport le fait de pousser Batman à être lui aussi un méchant dans l'idée. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, ça ne spoil pas grand-chose, je vous rassure, à un moment donné, il est mis dans une situation qui fait qu'il est plus méchant que Catwoman et que le Pingouin. Je vous dirai pas comment parce que ça c'est à découvrir si vous l'avez jamais vu, mais voilà, il y a un travail à ce niveau-là aussi, je trouve, que seul Tim Burton a pu faire dans ses films, et que même Christopher Nolan, dans sa grande bonté et grande volonté de ressusciter la saga après les fours de Joel Schumacher, n'a jamais pu faire. Ouais, Nolan, dans les Batman de Nolan, Batman il subit, hein, vraiment. Ouais. Il subit énormément. Ah, il prend cher. Ah, mais il s'en prend plein la gueule dans trois films. Hein. Ouais, c'est assez violent. Bah, tu vois, le Batman que Yann n'a pas aimé avec. Nicholson, ça m'a donné envie de le voir justement. Le fait c'est mon préféré, pas. Celui avec Nicholson. C'est le sien que j'aime pas. Je vais me recoucher, je vous laisse. En tout cas, pour moi, en ce qui me concerne, ce sera tout pour cette fois. N'hésitez pas à mater des films Batman, n'hésitez pas, vous qui nous écoutez ou qui nous regardez dans le public, à remater le film et à me dire ce que vous en avez pensé. En ce qui me concerne, c'est tout pour cette fois. Je vous fais des gros poutous sur la joue gauche. Bisous, bisous. Bah, merci Florian. On rappelle deux choses. L'année dernière, en 2019, c'était les 80 ans de Batman. Oui, c'est vrai. Ou c'est cette année, je ne sais plus. Non, c'était l'année dernière. On rappelle que le prochain film The Batman, avec Robert Pattinson, est attendu, enfin, si on veut, pour le 23 juin. Ouais. 2021, pas de cette année, hein, je précise. Oui, bien sûr. Et on se retrouve juste après ça. Aching chance tomorrow aside. Aching chance tomorrow aside. De retour dans la Geek Nation, c'était un extrait de la BO de Red Dead Redemption, c'était Far Away, je pense que ça vous parle, si vous avez joué à Red Dead. Oui, tout à fait. Alors moi j'en discutais avec monsieur le coach pendant la musique, mais autant je n'ai pas joué au jeu, autant j'aime beaucoup la musique et ça me donnerait quasiment envie d'y jouer, pourquoi pas un jour ici ? Ah bah écoute, effectivement tu peux y jouer ici, va falloir nous prévenir un petit peu à l'avance parce que bon, faut qu'on l'installe le jeu là, vu le temps, il est sorti depuis un moment donc on l'a désinstallé depuis. mais oui, on peut l'installer, effectivement tu pourras venir y jouer chez nous, on discutera. Pas de soucis, bien sûr. Et je crois que c'est l'heure de parler gaming, c'est l'heure de faire... Le point sur le game. Et le point sur le game, on le fait avec FX cette semaine, enfin ce mois-ci. Alors, de quoi tu veux nous parler ? Tu nous avais un peu teasé le truc, mais... Ouais, bah on va commencer par petite sélection, pas piquée des hannetons, de jeux Dragon Ball ou Dragon Ball Z, donc issus du manga. Qui me tenait vraiment à cœur, donc c'est vraiment une sélection purement subjective qui sera soumise au débat, on pourra en discuter après. Et je vais tout de suite attaquer par Dragon Ball Z 2, la légende Saiyan sortie sur Super Nintendo en 94. C'est vraiment le jeu DBZ de la nostalgie pour moi, le jeu auquel je jouais le mercredi après-midi chez un pote qui avait la chance d'avoir la Super Nintendo. D'ailleurs, qui a eu la Super Nintendo autour de la table ? Moi. Moi. J'étais pas né. Ah là là. Non, je ne l'ai pas eu celle-là malheureusement. Ah, ok. Donc sorti en 1994 et suite directe du premier opus, ce jeu améliore le concept et propose des combats vraiment dynamiques, faisant enfin honneur à l'animé. Il y aura 10 personnages dans cet opus, dont Broly et Bojack, issus des OAV, des personnages qu'on ne retrouvera pas forcément dans tous les épisodes de jeux vidéo issus de DBZ. Une bande-son ultra nerveuse qui colle bien à l'action et vraiment des graphismes de très bonne qualité. On aura 3 modes de jeu, histoire, combat et championnat, qui lui octroient une bonne durée de vie. En bref, la première incursion réussie dans le genre versus fighting de la licence d'Akira Toriyama en jeu vidéo. Et à cette occasion, je vous ai amené une petite version physique du jeu, voilà, pour vous montrer tout simplement, pour montrer à nos auditeurs YouTube. Je pense aussi qu'il pourra me oui. Tu me la montres, il me semble ça que parle c'est celui-là que j'avais quand j'avais. Alors toi, tu devais avoir la version Super Nintendo. Ça, c'est la Super version Nintendo, ouais. Super Famicom. Donc la version avec les sans la traduction merveilleuse. Exactement. Moi, je vous la sors, je vous la montre. La version française est des collecteurs. Je te fais tourner si tu veux jeter un œil au packaging. Vas-y, fais un petit déballage. Allez, j'enchaîne tout de suite sur le deuxième jeu de ma sélection, Dragon Ball Z de Budokai 3 sur PS2. Alors là, on fait un bond de 10 ans pour se retrouver sur PlayStation 2. C'est le jeu qui aura pour la première fois su aussi bien retranscrire la frénésie de combat de l'anime, selon moi. Avec ses graphismes en cel-shading qui collent bien l'univers du manga, son gameplay aux petits oignons fait de téléportation, esquive, charge du dragon et autres attaques spéciales, ses 38 personnages. Ce dernier opus avant l'arrivée des Budokai Tenkaichi est ultra généreux en termes de contenu et passionnant à jouer, surtout à deux, lorsque chaque joueur maîtrise les différentes techniques. Vraiment un must-have pour moi sur cette console. Pareil, là je vous ai amené une version physique du jeu. Alors là c'est la version collector, ils ont appelé ça édition collector, bon ça n'a rien à collector. Par contre ce qui est sympa avec cette version là, c'est qu'on a les voix officielles japonaises, alors que tous les gens qui ont acheté la version simple du jeu, ils devaient se taper les voix américaines dégueulasses. Voilà. Excellent. Tu le laisses au bar, on est d'accord ça On en discutera, coach. On a le 1 et le 2 et les gens nous disent toujours d'accord. Ouais. On en reparlera, coach. Ah, merci. Question est fixe. Est-ce qu'il y a un jeu Dragon Ball qui a inclus les doublages français? Ceux de l'époque qu'on avait dans le club Dorothée? Jamais, aucun. Alors, je sais que ça a été une doléance des fans sur Dragon Ball FighterZ. Malheureusement, on n'ira jamais droit, je pense, parce que ça doit coûter assez cher, ou voilà, je sais pas, pour diverses raisons. Je pense qu'il n'y aura jamais de. Comment ça s'appelle déjà, Brigitte Lecordier ? Oui. Pour incarner la voix de Son Goku. Ça restera un doux rêve, un mythe pour beaucoup de joueurs français. Un peu comme South Park ? Ouais, c'est ça. Allez, j'enchaîne tout de suite sur mon troisième jeu de la sélection, Dragon Ball Advance Adventure sur Game Boy Advance. Alors celui-là, c'est pas le plus connu des jeux Dragon Ball, c'est vraiment la pépite cachée des jeux Dragon Ball. Sorti en 2005 sur la console portable de Nintendo, ce jeu d'action-aventure retrace l'histoire de Goku depuis son entraînement avec Kame Sennin alias Tortue Géniale, jusqu'à son affrontement contre Piccolo. Donc dans le jeu, il sera question de quête des 7 boules de cristal. On y retrouvera du combat sous forme de beat 'em all, on aura aussi du versus. Même si le jeu est assez court, il sera possible de le refaire avec Krillin, et pour le charme qu'il dégage, c'est un jeu qui mérite toute l'attention des fans de la saga. Est-ce que quelqu'un le connaissait ou le connaît ? Pas du tout. Autour de la table, non ? Pas du tout. Personne n'a entendu parler ? Toi, Yann ? J'ai dû le voir passer dans un site sur lequel je ne peux pas parler, vu que c'est pas très légal. Ok, pas de problème. Mais oui, oui, je le connais. Alors vraiment les gars, c'est vraiment un jeu, je vous invite à jouer, ne serait-ce que même en émulation, hein, c'est pas grave. Hein. Pour moi, c'est vraiment un jeu atypique dans la saga Dragon Ball et un jeu à faire absolument. Okay. Je vais finir par le jeu qui aura mis tout le monde d'accord, je pense, Dragon Ball FighterZ, sorti en 2018 sur PS4, Xbox One, PC et Switch. Le premier sur Switch d'ailleurs, non ? Le premier sur Switch, effectivement, qui pour moi est vraiment le Shenron des jeux DBZ. Donc apparu en janvier 2018, après une forte attente due à sa présentation en grande pompe à l'E3 2017, Dragon Ball FighterZ aura mis tout le monde d'accord et demeure la référence des jeux de combat 2D issus de la licence. Réalisé par Axis Systemworks, le papa des Guilty Gear, une autre référence des jeux de Versus et doté d'une réalisation somptueuse, Dragon Ball FighterZ propose des combats en 3v3 à la manière d'un Marvel versus Capcom, très rapide et très nerveux. On va tenter de trouver la fight dans la défense de l'ennemi, puis tout sera question d'enchaînement à base de combos et de switch entre les personnages. Facile d'accès mais dur à maîtriser, destiné à la fois aux fans de manga et aux amateurs de jeux de combat, cet opus rend un superbe hommage à l'œuvre de Toriyama. Voilà pour ma sélection du jour, les gars. Est-ce que vous, il y a des jeux DBZ qui vous ont marqué ou des jeux issus d'autres mangas ? Je vous pose la question. Alors, je vais revenir sur DB Fighters parce que, en plus de tout ce que tu as dit, il est tellement fidèle à l'animé, tellement beau, tellement... Enfin, ouais. c'est vraiment... même moi qui ne suis pas jeu de combat, genre pas du tout, en voyant les premiers trailers, t'as juste envie d'y jouer, juste ouais. pour revoir Son Goku, Son Gohan, surtout. C'est ça. Donc vraiment exceptionnel. Après, non, manga, pas plus que ça, personnellement. Ok, toi, Florian ? Moi, au niveau jeu de combat, je suis resté à Pokémon Stadium. Ok, donc, d'accord. Bon. Voilà. C'est un manga, hein. Mais c'est sens, bien. Ouais, ça peut non, être... Non, plus sérieusement, ouais. Je suis pas très, malheureusement, jeu vidéo tout court, mais une de mes bonnes résolutions de cette année, je ne demande qu'à la réaliser, c'est de jouer un peu plus, et pourquoi pas ici, au 4Gamer, oui, je le rappelle. Oh là là là là. Ou la promo bon, ça. Je ne l'ai pas payé, hein. Bon. Qu'est-ce qu'il est fort. Bravo, Florian. Toi, Yann moi, quand tu me dis Toriyama et jeux vidéo, je pense surtout à Dragon Quest. Ok, oui. Qui sont des grands moments pour moi, surtout le 8 qui m'a fait connaître la saga. ou Blue Dragon aussi plus récemment sur Xbox 360. Je suis pas très grand fan de RPG, mais il faut être honnête, ces licences là moi elles m'ont marqué justement parce que ça ressemblait au Dragon Ball que je voyais quand j'étais gamin, et ça m'a permis de m'intéresser un peu plus au RPG. La direction artistique est la même quoi, pour le coup c'est, c'est le coup de crayon de Toriyama, on le reconnaît un premier coup d'œil. Lucas. Ouais, bah moi comme tu parlais de Budokai 3, moi quand j'étais petit je me tuais avec mon cousin, on rentrait de l'école, on avait qu'une envie, c'était de se fighter là-dessus. 3 ouais. Sur Play 2 on était sur d'accord. Play 2. D'accord, ok, excellent. Et, ouais. Après tu parlais aussi de Fighters et des opus un peu plus récents, ce serait quoi ton avis sur le tout dernier là qui vient de sortir hein? Bah, quand on en a parlé tout à l'heure un peu en off, je suis assez mitigé là sur Kakarot, j'ai pu le tester environ 2 heures. Alors, je vais tout de suite donner ses qualités. On a enfin les musiques issues de l'animé. Ça, c'était jamais arrivé. Il y a une dizaine d'instrus de l'animé, les vraies musiques de l'animé. Certes, elles sont légèrement réorchestrées, mais bon, ça reste appréciable de les avoir. Les combats sont bien foutus, assez nerveux. Ça respecte le manga. Après, ça fait partie aussi des défauts. Les combats sont ultra répétitifs et ultra simplistes. Et quand on passe de Dragon Ball FighterZ à Kakarot en termes de combat, franchement, c'est difficile. C'est difficile. C'est comme passer d'un jeu Naruto, d'un Naruto Ultimate Ninja au Naruto d'Ubisoft, quoi. Oui. Alors là-dessus, je pourrais pas me prononcer. Je les ai pas trop pratiqués, mais ça doit être sûrement ça. Après, il y a dans ce jeu-là aussi ce qui fait clairement défaut, c'est le côté loot qui est clairement exagéré. D'autant plus que le jeu te permet de te mettre à niveau. Sur les XP à chaque fois que tu affrontes un boss, donc tu n'es pas obligé de looter. Est-ce que tu peux définir ce mot? Alors looter, oui, pardon. C'est un jeu de combat. Alors looter, qu'est-ce que c'est? C'est ramasser des petits objets à droite, à gauche pour acquérir des points d'expérience qui permettent d'améliorer les personnages, en gros, quoi. Ça va, ça vous va comme définition? Moi, ça va. Bon. Donc, tout à fait. Et donc, comme je disais, ce point-là, en fait, il est complètement facultatif parce qu'en fait, on peut monter en XP en affrontant les boss. Le jeu fait ça automatiquement, donc voilà, c'est vraiment facultatif. Mais le jeu te pousse à le faire. Moi, personnellement, c'est un truc que j'aime pas du tout. Donc, pour ces raisons-là, Kakarot assez mitigé, voilà. D'accord. Et maintenant, de quoi vas-tu nous parler ? Bien sûr. On enchaîne tout de suite sur le deuxième sujet qui n'a strictement rien à voir. Aujourd'hui, je vous ai ramené un petit jeu Mega Drive qui est un carte mode. Alors un carte mode, qu'est-ce que c'est un carte mode? Là il va parler Sega et il va avoir des étoiles dans les yeux. Aïe aïe aïe. Alors je vais vous le sortir, Florian t'es là? Mais non t'inquiète, je dors. Alors pas, voilà, là, je regarde, voici le carte mode de Glay Lancer. Donc Glay Lancer c'est quoi? C'est un shoot'em up, un des shoot'em up mythiques de la Mega Drive. Hein, oui je confirme. Avec une grosse réa, une grosse bande son, enfin tout est parfait dans le jeu. Moi je suis un gros fan de shoot'em up perso, c'est un jeu que j'adore. Alors pourquoi je voulais amener en fait, déjà qu'est-ce qu'un carte mode? Le carte mode c'est en fait c'est changer le jeu contenu dans une cartouche pour en mettre un autre à la place. Donc ce qui va demander de sacrifier un jeu original. Donc en général on va prendre un jeu de sport ou un jeu qui a peu de valeur et on va le remplacer justement par un jeu qui est difficile à trouver sur le marché de l'occasion ou qui est très cher, et ce qui est le cas de Glay Lancer dans sa version originale. Aujourd'hui, si vous le voulez en original, donc à savoir que c'est un jeu qui n'est jamais sorti chez nous, c'est une exclusivité japonaise. Aujourd'hui, avec un peu de chance, si vous le trouvez à 350-400 euros, ah ouais. C'est ouais, un bon prix, ouais. Okay. D'accord. Bon, alors arrivé un moment, quand on collectionne les jeux rétro, je vous avouerai que mettre 400 euros dans un jeu, ça peut être compliqué. D'où la présentation de ce carte mode aujourd'hui, qui a été fait par une bonne connaissance, donc c'est vraiment du fait maison. Là, c'est pas, on trouve plein de cartes mode par exemple sur des sites comme, je ne les citerai pas, mais des sites chinois bien connus. Oui. Hein, faut pas les citer, Yann, c'est ça. Non, on n'a pas le droit. On va pas leur faire de la pub en plus, ils méritent pas. Coronavirus.com. Ouais. Et donc là, le Glay Lancer, c'est vraiment un carte mode de qualité. Coach, si tu peux l'ouvrir et le montrer à la caméra. Je l'ai fait. Ah, tu l'as fait déjà. Tout a été montré, décortiqué. C'est vraiment un carte mode fait maison avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Et c'est pour ça que je tenais à vous le présenter, tout simplement. Et je voulais juste vous faire le comparatif avec un jeu original. Et pendant ce temps, dans la Geek Nation. Pendant ce temps, j'ai une question à poser à FX. Vas-y, je suis là. Moi, quand tu me dis ça, carte mode, etc., moi, ça me rappelle ce qu'on faisait aux jeux MVS et aux jeux AES pour les rendre compatibles avec la Neo Geo. C'est la même chose ? C'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que les jeux Neo Geo qui sortaient pas en format AES, on prenait des cartouches sacrificielles. On sacrifiait, par exemple, souvent, c'était des Fatal Fury, premier du nom, ou un Samurai Spirit, des jeux qui ont peu de valeur. pour mettre un jeu avec un jeu MVS qui était jamais sorti MVS mais pour mettre dessus directement quoi. Est-ce qu'on peut pas faire le contraire et se faire du pognon genre alors si alors je vais pas en faire de la pub non plus mais il y a une histoire qui est très connue à ce niveau là chez les collectionneurs et les amateurs de rétro. Il y a des petits malins du côté de Marseille, je les citerai pas parce qu'ils méritent pas du tout, qui avaient fait ça pour des Metal Slug. Je sais pas, tout le monde connaît Metal Slug autour de la table. Ouais, même moi donc ça va. Oui. Donc ils avaient pris des cartouches pour les sacrifier et mettre Metal Slug, alors je sais plus si c'était Metal Slug, Metal Slug 2, X3, enfin bref, peu importe. Et ils les ont fait passer pour des originaux. Ils les ont vendus au prix des originaux de l'époque, donc c'était au début des années 2000, on devait tourner sur du, je sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, mais 3, 4, 500 euros pièce. Voilà. Très bien, super. Pour un jeu qui en valait tout au plus 50, 60 à produire. Et il y a énormément de gens qui se sont fait avoir à cause de ça. Ouais. À ce moment-là, elle n'était pas plus belle la vie. Voilà, j'ai fait la première erreur. C'était tout pour moi, à la prochaine. Van, Florian, merci. Donc, comme je vous disais, je vous ai amené quand même un jeu original, Mega Drive, pour faire le comparatif et pour vous montrer à quel point le kart mode réalisé par Tom. J'ai fait une petite dédicace, j'espère qu'il nous regardera. C'est quoi le jeu original que tu as choisi? Alors, le jeu original que j'ai choisi, bah, c'est vraiment à titre de comparaison, c'est un Mega Bomberman sur Mega Drive. Et c'était pour vraiment faire le comparo entre le kart mode et l'original pour vous montrer à quel point le kart mode a été fait avec soin. Ça peut se trouver en magasin, ce genre de choses ou En théorie, non, parce que la vente de kart mode, normalement, c'est pas autorisé, même si les sites chinois bien connus en font. Personnellement, moi, c'est pas quelque chose que je proposerais dans mon magasin, à part peut-être pour des jeux comme ce Glaylancer. Il peut y avoir un public pour ça. Après, voilà, nous, on essaie quand même de se concentrer sur l'original. Parce qu'on est bien d'accord, les converts de Neo Geo, ça se trouve. Hein. Ah oui, les converts de Neo Geo, bien sûr, ça se trouve. Donc voilà pour cette partie sur les cartes modes. Et on va tout de suite enchaîner sur ma troisième et dernière partie. Voilà, c'est bon. Allez, il y a Jeanne Mas dans la Geek Nation, dès la première. C'est du casse 84. Qui c'est qui était né autour de la table en 84? Non. Il n'y a que moi. Putain, je suis vieux, les gars. Ah. Tu nous remets un petit Jeanne Mas, là, vite fait. S'il te plaît. Gros kiff. Ceux qui nous écoutent pour la première fois, hein, ils savent pas, mais avant, quand on a fait des tests pour de balance de son et tout, il nous l'a mis, mais quasiment en boucle. C'était affreux. Ouais, mais il kiffe ça, Yann. J'ai cette chanson dans la tête depuis que j'ai rempli le cartoucheur. Voilà. Alors, pourquoi... Pourquoi Jeanne Mas? Pourquoi toute première fois? Tout simplement parce que j'avais envie de parler de ma première fois et de vos premières fois sur un jeu vidéo aujourd'hui pour la première de la Geek Nation. Alors, personnellement, ma première fois, pas très originale, Super Mario Bros. Sur NES, le fameux pack Action 7 avec Duck Hunt et le pistolet orange, testé une matinée de Noël 1990, un cadeau de mes parents, je les remercie encore. Et une vraie révolution dans les salons à l'époque. Les gars, je vous écoute pour vos premières fois, coach. Eh bien, écoute, ça va beaucoup ressembler à la tienne, puisque c'est pareil. On va se retrouver à Noël, et on va se retrouver autour d'une Super NES, cette fois. Ah. Et sur, je pense que le jeu, ça va être la collection. Super Mario All-Star, avec tous les Mario dedans. Donc, il y avait de quoi faire, quand même, pour un premier jeu. Il y avait quand même pas mal d'heures de jeu et derrière ça enchaînait avec beaucoup de choses. Est-ce que tu dirais que c'est avec ce jeu, avec cette acquisition, tu es tombé amoureux du jeu vidéo ou c'est arrivé un peu plus tard? Genre avec FF8 ou je sais pas? Non, FF8 c'est plus la claque. J'étais déjà bien tombé dedans. Mais l'arrivée de la Super NES, bah, c'est comme beaucoup. C'est que tu l'avais demandé pendant un an à ta maman. Ouais. Maman, Noël, je veux absolument ça. Ça a l'air vraiment trop bien. Et puis quand tu l'as dans les mains, effectivement, c'est trop bien. Donc tu tombes dedans complètement. Et voilà. D'accord. Donc vrai coup de cœur quoi, à l'époque. Ouais, okay. Clairement. Alors moi, c'est pareil. Je ne vais pas faire dans l'originalité, même si ce n'est pas les mêmes titres et les mêmes consoles que vous. La toute première console de salon que j'ai eue, ça a été la Nintendo 64. J'arrête pas d'en parler depuis tout à l'heure, mais voilà, mais c'était vraiment elle. Et le tout premier jeu, tous ceux qui ont eu une Nintendo 64 qui ont joué, pareil, pas original, mais Super Mario 64. J'ai tellement poncé ce jeu dans tous les sens, la cartouche est littéralement usée. Donc, mais vraiment. Et en termes de console portable, la première que j'ai eue, bon, pareil, hein, je suis un petit vieux maintenant, mais c'était la Game Boy Color. Et ça a été Pokémon Rouge ou Super Mario Bros, je sais plus. C'est pas Mario Bros Deluxe ? Ouais, je crois que c'était lui. Non, je crois que c'était lui. Je crois que j'ai eu Super Mario Bros Deluxe en premier, j'ai eu Pokémon Rouge après. Ok. Et pareil, j'ai beaucoup trop joué à ces deux jeux-là. Ouais. Bon, en tout cas, pour faire une première incursion en jeu vidéo, Super Mario 64, il y a pire. Hein. Ouais. Yann ? Alors, moi c'était il y a bien longtemps, et je vais évoquer des mots et des expressions qui vont parler surtout aux Stéphanois. C'était... J'avais 7 ans, et ma mère s'est dit du jour au lendemain que ce serait pas mal de m'acheter une console. Et nous nous sommes rendus dans un petit magasin de la Grand Rue qui s'appelait Fighter. Oui. Magasin mythique au demeurant. Et effectivement. Qui n'était pas encore en face de la fac à l'époque, donc ça rabat, ça date. La PlayStation était en quasiment fin de vie, la Nintendo 64 était oubliée, on commençait déjà à parler de la GameCube, et ma mère se dit que ce serait une bonne idée de m'acheter une Super Nintendo. Ok. Pas mal. Et avec cette Super Nintendo, elle m'a acheté un jeu Mario. Super Mario World. Ok. Et que j'ai redécouvert des années après sur Game Boy Advance, et que j'ai enfin pu finir à l'époque. Donc voilà, c'était ma petite histoire. Et sur une console portable, c'était quelques années plus tard, c'était sur Game Boy Color, et je n'ai pas forcément eu beaucoup de chance, parce que j'ai eu deux jeux ce jour-là. Le retour de la momie. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Et Taxi 2. C'est ça vraiment ? Non. Ah, et la version Game Boy de Oddworld. Oh. Ok, ouais. Qu'est-ce que ça donne, tiens, la version ouais, ça vaut quoi, ça c'est les deux Oddworld qui sont sortis sur Game Boy sont des opus inédits, inspirés des deux épisodes PlayStation, mais c'est des histoires à part entière, dans des décors à part entière, avec des game design différents. Okay, d'accord. Je savais pas du tout qu'ils avaient fait. En tout cas, toi aussi, pour une première à Super Mario World, on a largement fait pire. Lucas, est-ce qu'on va avoir droit à... Attends, très original. Bah, moi, ma première fois gaming, c'était chez ma grand-mère. Je voyais mon cousin qui essayait d'attraper un Latios. Donc forcément, très original, Pokémon. J'aurais pas la version, mais c'était sur Game Boy Advance. C'était Pokémon Saphir. C'était Ruby et Saphir à l'époque, il me semble, pour les noms des jeux. Je enfin, te crois, 100%. Il y avait Emerald aussi. Si c'est sur Game Boy Advance, ouais, c'était Ruby, Saphir, Emerald. Emerald, ouais. Et du coup, je le voyais tellement galérer que je me suis dit, ben, il faut que j'achète la Game Boy Advance et que je le capture à moi sa place. Moi aussi, je veux galérer. C'est ça. Donc toi, t'as commencé sur portable, pour le coup. J'ai commencé, ouais, bah, portable. D'accord. Et ta première expérience sur un jeu de salon ? Jeu de salon, enfin, c'était la PlayStation 1. Et c'était pour ma fête. Ouais. Ma fête. Et mon père m'avait acheté Lucky Luke, je crois. Alors là, c'était vraiment un jeu. Effectivement, un ça jeu. A été sa fête. Alors là, un jeu infogramme. C'était vraiment. Enfin, je sais. Ouais, j'ai aussi, aucun souvenir de ce jeu. Ou édité par Atari. Enfin bon, c'est la même merde, quoi. Ouais, ok, ouais, d'accord. C'est je me rappelle juste voilà, la Play 1 avec le jeu Lucky Luke. Mais okay. Vraiment, souvenir vague. Hein. Ok, très bien. C'est déjà beaucoup de Mario. Merci, Lucas. Hein ouais, beaucoup de Mario. Ça fait 4 Mario, 4 sur 5 4 sur 5, ouais, effectivement. Pas très connu en plus, hein, comme univers Mario. Une petite licence, ouais. Et puis quand bien même, il était Pokémon, donc on reste chez Nintendo. C'est vraiment lié aux enfants, ouais, hein, Nintendo. Ouais, mais bon, les adultes peuvent encore y jouer. Ah bah, largement, oui. Pas de problème. Ils peuvent encore y jouer ici, au Fort Gamer. Tout à fait, au Fort Gamer. Merci FX. Je vais finir par le payer, c'est pas merci possible. Merci à toi, Yann. Merci FX et surtout merci Florian parce que tu me fais une transition merveilleuse pour la deuxième partie de l'interview. Ah, c'est bien, on se retourne à nouveau vers toi, coach. Oui, bonjour. Alors déjà, c'est quoi ce surnom ? Alors oui, c'est quoi ce surnom ? C'est vrai que ça peut paraître particulier. Tout simplement, j'ai été entraîneur de foot. Car oui, écoutez, Saint-Étienne, c'est le foot. Donc moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et ça fait partie des choses que j'ai voulu faire dans ma vie. Donc j'ai entraîné une équipe de football pendant 3 ans. Et comme cette équipe de football était composée uniquement de mes amis, eh bien, tout le monde m'a appelé coach et tout le monde continue à m'appeler coach. Et je ne réponds plus que par ce pseudo. C'est-à-dire que si vous m'appelez par mon prénom, je ne répondrai certainement pas. On dirait moi. Voilà, exactement. C'était une équipe dans la région ou... Ouais, c'était à Planfois, donc pas très loin de Saint-Étienne. Et c'était l'amicale des copains. Voilà. Ouais. Mais on a essayé de se prendre quand même un petit peu au sérieux. Et j'ai fait monter l'équipe de 3e division à 2e division. Donc voilà, un petit peu de fierté quand même. Et on l'applaudit. Et Merci, bravo coach. Bravo, voilà. Et on va pas se mentir, à l'époque, c'était pas juste coach. Hein. C'était coach brioche. Mais j'ai gardé temps. Coach. Voilà. Aujourd'hui, c'est coach pain au chocolat. Non, c'est coach for gamer. Voilà. Tout simplement. Très bien. Et le nom du bar, vous l'avez trouvé ? Alors je crois que c'est les deux trucs qui nous ont pris le moins de temps à trouver, c'est-à-dire les couleurs du bar, vert et noir, c'est bon, tout le monde est d'accord ? Ouais, tout le monde est d'accord, de toute façon on est à Saint-Étienne, tais-toi. Et le deuxième truc, c'est le nom, tout simplement, puisqu'il y a quelqu'un qui est arrivé et dit on est quatre, on est des gamers, on fait fort gamer, on a tous dit oui. Parce que c'est tellement logique. Quand même. C'était de la logique simple et ça collait bien, donc on a gardé ça. Et vous le mûrissez depuis combien de temps ce projet ? Alors, début du projet, c'était en janvier d'il y a 3 ans, 2017. Donc, tout 2017 et début 2018 pour, euh, pour lancer le projet, le préparer, trouver les banques et tout le bordel qui va avec. Et on a ouvert il y a un an et demi, un peu plus, même bientôt deux ans. Et on est très très contents. Est-ce que tu peux me donner l'inventaire de ce que vous avez tout autour de nous ? Alors, au Fort Gamer, vous pourrez trouver notamment 10 PC qui sont répartis sur deux estrades, donc 5 de chaque côté, ce qui nous permet de faire des tournois assez régulièrement sur des jeux comme LOL ou CS, c'est parfait. Ça fait une équipe de chaque côté de la salle. Comme ça, quand ils s'insultent, on ne s'entend pas, c'est bien. On va pouvoir aussi avoir des PS4, donc on en a deux pro et une classique qui est juste derrière nous là. Et nous allons aussi avoir tout ce qui est Nintendo Switch et pas mal de rétro. Alors effectivement, nous n'avons pas la dernière Xbox pour des raisons évidentes de... À un moment, ils ont perdu la génération, il fallait qu'ils se démerdent avec ça. Donc pas de Xbox dernière du nom, mais pas mal de rétro. Donc tout ce qui est GameCube, Xbox première du nom, PlayStation 2, PlayStation 3. Voilà. Il y a pas mal de choses. Et si tu nous présentais les autres personnes qui bossent avec toi ? Les autres personnes qui bossent avec moi, je vais commencer par Kevin, alias Kush, qui fait partie des trois qui sont la plupart du temps ici. Lui va s'occuper de tout ce qui est finance, etc. Donc des choses très sérieuses, effectivement. Donc Kevin Kornprost. Je vais enchaîner avec Nicolas Maridet, qui est notre responsable barman, hein, celui qui va vous servir de magnifiques cocktails et inventer des shooters tous plus débiles les uns que les autres. Je reviens alors. Ok, c'est juste là-bas, c'est 20 balles l'épée. Voilà, tu peux y aller. D'accord. Il est déjà parti, merde. Non, on va... continuer avec Christophe qui est là pour l'instant au bar et qui tient la boutique pendant que je fais le concon derrière mon micro, qui lui est moins souvent là puisqu'il a un travail à côté et qui lui va s'occuper de tout ce qui est relationnel avec les partenaires. Donc essayer de choper des lots à droite, à gauche pour nos tournois, etc. Et moi, personnellement, je m'occupe de tout ce qui est animation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quel lien vous avez avec l'e-sport ? Alors, avec l'e-sport, c'est bien, tu me lances sur un petit truc, parce que c'est vrai que j'ai deux, trois choses à dire. On a des news en ce moment qui sont assez, assez croustillantes. Fais-toi plaisir. Donc, on a ouvert notre section e-sport il y a à peu près un an, avec un joueur sur FIFA et une équipe sur CSGO. On les a tous amenés sur des LAN, notamment à la Gamer Assembly à Poitiers, où on est tous montés avec un minibus. Enfin, c'est vraiment l'e-sport pour le fun. Voilà, c'est ce qu'on veut... en partie et en majorité mettre en avant. C'est-à-dire que nous, on ne va pas faire une équipe e-sport qui va essayer de recruter des gens qu'on ne connaît pas. On ne fait pas de session de recrutement. On a énormément de gens qui nous posent qui nous envoient des mails en mode « Ouais, je veux faire mon équipe Fortnite, est-ce que tu veux ?» Non. Malheureusement, si on ne se connaît pas, on ne recrutera pas. Donc, on a pris un petit jeune qui venait faire nos tournois FIFA et qui éclatait tout le monde sur son passage, qui avait à peine 16 ans et demi. Il venait avec sa mère, etc. Il avait vraiment le profil parfait pour qu'on le recrute. C'est-à-dire que pour nous, c'est Kylian Mbappé. Il a le talent, il parle bien, il a l'entourage. Il est parfait, ce petit. Donc, on l'a pris il y a un an. En même temps, on a pris une équipe CSGO qui n'a pas duré longtemps. Elle a duré 6-8 mois à peu près, le temps de faire la GA, où c'était plus une équipe de copains. Donc, au bout d'un moment, ça s'est split, comme toutes les équipes e-sport. Et on a un peu plus récemment... recruter un deuxième joueur sur FIFA puisqu'on n'avait plus que Ilias, alias Nkanté, je vais en reparler un petit peu plus tard, qui nous ont rejoint. Donc c'est Limox qui nous a rejoint il y a quelques mois et qui est notre deuxième joueur sur FIFA. Par contre, on ne s'attendait pas trop à ce qu'ils ont fait sur les dernières semaines là, parce que c'est un petit peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils sont très jeunes, ils ne sont pas encore très connus sur la scène FIFA. Mais là, en quelques mois, je peux vous garantir que sur la scène FIFA, il commence à être bien, bien, bien connu. Notamment Nkanté, qui... Bon, on va faire simple. Il y a trois semaines, il a fait un tournoi pour être champion régional, ce qui déjà est pas mal. Bon, il le gagne. Très bien. OK, on passe à la suite. Déjà, nous, on est surpris. On lui dit, c'est très bien, t'es champion régional. Qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Il va se passer par la suite qu'on doit monter à Clairefontaine pour faire un tournoi, pour être champion et pour peut-être accéder à l'équipe de France. Ok, très bien, c'est génial pour toi. Et qu'est-ce qu'il fait ? Clairefontaine pour des tournois FIFA. Ouais, bah, qu'est-ce qu'il fait ? Il le gagne. Oh, yeah, yeah. Voilà, donc bon, excellent. On continue jusqu'à demain. C'est-à-dire que oui, on est dimanche. Donc après-demain, il s'en va avec 16 joueurs pour faire un camp de sélection à Clairefontaine. Ils seront uniquement 16 avec le sélectionneur de l'équipe de France. Parce que c'est très... Vous pouvez aller voir sur YouTube, sur le YouTube de la FFF, tout est relié. C'est-à-dire que tout est au même endroit. Le foot masculin, le foot féminin, le foot amateur et l'e-sport. Et tu as des petites vidéos avec le sélectionneur de l'équipe de France qui fait sa sélection, qui dit les 16 joueurs. Et bonjour, on a notre joueur à l'intérieur. Donc là, mardi et mercredi, il sera à Clairefontaine. Je ne sais pas si ce sera streamé. En tout cas, nous, on va donner les infos au maximum. Il sera à Clairefontaine pour, pourquoi pas, intégrer les 6 qui seront représentants de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Voilà, sachant que la France est championne du monde en titre. Donc, ok. Là, il y va avec du gros, du lourd, du très très lourd. Eh ben, ça promet. Et enchaîné, puisque hier, encore une nouvelle info, Limox, notre autre joueur, s'est qualifié pour la finale de l'Orange Ligue 1, qui est un petit peu plus connue. Ça passe sur Bein Sport, etc. Donc, il est en finale pour Saint-Etienne. Donc, on espère qu'il va lui aussi faire n'importe quoi et gagner, puisque ce serait la folie. Non, attends, fais-moi rêver. Il joue avec Saint-Etienne dans FIFA? En fait, tu joues avec les maillots de Saint-Té, c'est fut. Ouais, tu joues avec les maillots de Saint-Té, mais par contre, ils ont tous Mbappé qui est. Par contre, c'est que les joueurs de Ligue 1. Voilà. Ok, d'accord. Obligé de prendre des joueurs de Ligue 1. Okay. Et est-ce que tu sais contre qui il est tombé en finale ou pas? Non, pas du tout. J'ai pas le nom de son adversaire. Est-ce qu'on a oublié des trucs? Non, je ne pense pas. Point de vue e-sport, là, c'est bon, on a fait le tour. Ouais. Et pour le reste, qu'est-ce que tu pourrais rajouter? Pour le reste, je vais parler un petit peu de ma partie, vu que le 4Gamer, c'est moi qui vais m'occuper de tout ce qui est événement. Donc c'est un petit peu, on va dire, entre 4 et 5 fois par semaine. On est ouvert tous les jours, sauf le lundi. Donc on est ouvert le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On va notamment commencer nos événements le mercredi avec des jeux un petit peu hors console, c'est-à-dire qu'on va faire des quiz, notamment FX qui a déjà participé à mes fameux Gamer Quiz. J'avais gagné en plus. Ah, c'est possible. Ouais. Enfin, t'as fait partie de l'équipe gagnante parce que t'as pas fait le run de la mort à la fin. Ah si, j'ai fait le run de la mort. Ah, ouais, carrément. Ça va, on vous dérange pas sinon. Non, écoutez, voilà. C'est un petit peu une revisite du Burger Quiz. Ceux qui connaissent, Très bon. En mode jeu vidéo et avec un client qui s'appelle Clavier Fumant, que vous connaissez vous aussi, qui m'aide à préparer cette entre guillemets émission. Nous, on n'est pas en radio, on n'est pas à la télé, on n'est pas nulle part, mais on fait quand même des petites émissions. Entre nous, voilà. Donc le mercredi, ça va plutôt faire un jingle. Ça va plutôt être réservé à ça, des blind tests et en plus, etc. Les blind tests, je précise, pour en avoir fait déjà, sont plutôt bien foutus, sont assez variés. Voilà. Et je suis quand même le seul de l'équipe de la Geek Nation que quand on fait des réunions de travail un jour de blind test, je n'écoute pas la réunion, j'écoute que le blind test. C'est vrai. Moi, j'ai qu'une seule réponse au blind test, Resident Evil. C'est musique de jeu vidéo, Resident Evil. C'est musique de film, Resident Evil. C'est musique de série, Resident Evil. Donc, génial, ça, une série Resident Evil. Oh, oulala. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Non. Mais c'est bon, c'est bon le recyclage, c'est bon. On arrête. Je vais poursuivre avec le jeudi, vu que tous les jeudis, c'est loup-garou chez nous. Oh yeah, des grandes sessions loup-garou, ouais. Des tables d'entre 10, 20, voire 30 personnes des fois où c'est un sacré beau bordel, des parties qui peuvent durer plus d'une heure, c'est tous les jeudis, donc ça faut vraiment pas hésiter, c'est simple à retenir. Est-ce que tu peux développer un petit peu le concept là, du jeu loup-garou s'il te plaît? Loup-garou de Tierceville, donc... Tierceville, ah là là, mince. J'y ai très peu joué, mais bon, c'est assez simple à comprendre, y a des cartes, chacun une carte. Ouais. Et il faut 15 poutrelles de 2 mètres. Il faut 15 poutrelles de 2 mètres. Non, pas du tout. Les références à Kaamelott que tu ne comprends pas, c'est non, pas possible. Voilà, c'est pas possible, on ne peut pas discuter. Kaamelott et moi, ça fait 8. Ouais. On peut jouer uniquement si on chante avant Slooby 1. Slooby 1, Slooby 2. Slooby 3. Non, on ne va jamais s'arrêter. Regarde, vous me perdez. T'es vraiment pas Kaamelott? Non. Non, c'est scandaleux. Okay, que fait-il dans cette émission? J'ai pas le temps. On en reparle dans un moment de Kaamelott, je crois. On va y revenir. Je vais m'auto-exclure dans 3, 2, 1. Non, bon, pour en revenir au loup-garou. Loup-garou, tu as une petite carte, tu es loup, tu dois manger les villageois pendant la nuit. Okay. Tu as une petite carte, tu es villageois. Il y a plusieurs types de villageois qui ont des pouvoirs différents. Okay. Si tu es villageois, tu dois à chaque fin de journée voter pour dire lui c'est le loup, enfin je pense que c'est le loup, on le bute. D'accord. Le but des loups étant de rester entre loups et le but des villageois étant d'éliminer tous les loups. C'est bien expliqué, quelque chose que beaucoup de gens connaissent. Donc, okay. Il me semble avoir vu passer une version en réalité virtuelle de loup-garou. Oh, wow, c'est possible. Ouais. Ok, d'accord. C'est possible. Ça a du succès, ça marche bien. Ouais. Si je le mets tous les jeudis, c'est que ça a pas mal de succès. Ok, d'accord. C'est vrai qu'on a souvent du monde et ça change souvent. C'est-à-dire que les gens, ils viennent pas forcément tous les jeudis. Il y en a qui viennent tous les jeudis, mais c'est très mouvant. Okay. Et puis, on va enchaîner avec les week-ends où on va plus être sur du tournoi. Donc, en majorité, sur League of Legends et Smash Bros, ça va être les deux plus gros jeux qu'on a en termes de tournoi. mais ça peut être aussi du FIFA, ça peut être du Tekken, ça peut être du Rocket League, ça peut être plein de choses. Et ça peut être aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, des jeux un peu plus pourris, parce que j'aime bien ça. Notamment des concepts comme le Gamer 5, que tu as déjà vu. Oui. C'est en gros un pot pourri de 25-30 jeux. Et les équipes viennent. Je tire au sort les jeux. Voilà. Je tire au sort les jeux, donc vous ne savez pas sur quoi vous allez jouer. C'est ça qui est intéressant. Mon Dieu, ça fait presque peur. Oui, parce que ça peut très bien tomber sur FIFA, mais vous pouvez très bien tomber sur Pro Beach Soccer sur PS2. Quoi. Ouais. Mais c'est un concept original, ça, coach, non ? Je vais pas dire que c'est moi qui l'ai inventé, mais vas-y, vante-toi. Oui, non, mais à chaque fois c'est pareil. Tu inventes un concept, mais c'est une reprise d'un autre concept qui existe déjà. Donc, on n'invente plus jamais rien aujourd'hui. On n'invente plus rien aujourd'hui. Donc voilà, c'est un petit peu ce que vous pouvez retrouver dans notre bar en termes d'événements. Au Four Gamer. Au Four Gamer. Et sans compter la Geek Nation, le dernier dimanche de chaque mois. Effectivement, maintenant, on commence à faire des événements le dimanche, puisque on a l'immense honneur de pouvoir vous accueillir une fois par mois, le dernier dimanche de chaque mois, au bar, pour faire cette émission. Et je suis très content. Merci. Nous aussi. C'est là-dessus qu'on va clore cette partie de l'interview. Eh bien, parfait. C'est très touchant. Oui. Je crois que c'est l'heure du débat. Ça fait coup, là, et je sens, c'est l'heure du débat. Oui, je me suis lâché sur ce jingle. Alors, pour ce premier débat de 2020, j'ai voulu faire un truc facile, pas forcément trop philosophé dès le départ. Je suis pour, je suis contre. Ça va faire un jingle. Je vous propose de m'évoquer, et qu'on évoque tous ensemble, vos attentes pour 2020 et surtout ce que vous retenez de l'année 2019 dans vos domaines respectifs. Oh. Qui veut commencer ? Lucas. Mon domaine. Tout désigné. Quel est mon domaine déjà ? Le numérique, Lucas. Le numérique. Le numérique. Bah, je voulais vous parler d'Instagram. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques mois, ils ont commencé à supprimer le like sur Instagram dans certains pays. D'accord. Ça vous dirait ? Non, pas du tout. Non. Et en fait, ils comptent faire ça en 2020. En fait, ils comptent le supprimer en France à cause des gens justement qui se mettent trop en valeur, qui sont prêts à prendre des risques inutiles pour ça. Okay. Du coup, le projet, voilà, ce serait de supprimer le like sur Insta. Du coup, moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que la plateforme va survivre ? Parce que concrètement, le like sur Instagram, c'est la base. Ouais, voilà. Je pense que c'est ce qui fait la force du réseau social. Et puis, il y a même que ça sur Insta. Oui, tu peux toujours commenter, partager, faire des stories, mais ouais. En général, oui, le like est. Ça risque d'empâtir peut-être. Je ne sais pas si vous êtes des grands consommateurs des réseaux sociaux en général. Mais... Moi, uniquement pour le Four Gamer. Ah. Et moi, pour la Geek Nation. Et moi, uniquement pour Forum Gaming Geek, qu'on parlera après. Flo, peut-être. Moi, pour ma conso personnelle. Hein. Voilà, c'est non, bien. Je ne suis pas un grand consommateur des réseaux sociaux. Non, j'ai un Facebook, j'ai un Instagram, et puis c'est tout. Et Instagram, il y a une photo dessus. Quoi, donc, Mais ouais, le like sur Insta, on est d'accord, c'est le petit cœur. Ouais, exactement. Ok. Alors, petite question bête, pourquoi sur... Attends, je te dis une bêtise. Sur Facebook, le pouce. Sur Facebook, ouais, on peut choisir, tu sais, les likes. Ah oui, oui, tu sur parles. Sur Insta, c'est juste le cœur. Non, c'est juste alors le cœur. Alors que Insta, ça appartient à Facebook, on est d'accord. Exactement. Hein. Ouais. Mais c'est une très bonne question. D'accord, je pense que Instagram joue justement là-dessus, sur le cœur, sur le fait d'attirer des likes, tout ça. Et tu disais qu'il y a des gens qui prennent des risques inconsidérés pour s'attirer le plus de likes possible. Bah, t'as jamais vu des articles like. Comme quoi des gens ont pris des photos, des selfies dans des endroits très dangereux pour attirer un maximum de likes. Style ceux qui vont tout en haut des bâtiments, des trucs exactement. Comme ça. Moi, je pensais pas qu'il y ait des gens aussi cons quand même. Ouais. Ou ceux qui se disent, ce serait bien de prendre un selfie devant une falaise. Voilà. Voilà. Okay, d'accord. Ceux qui prennent aussi devant les. Ça, c'est pas des légendes. Sur des rames de train ou. D'accord. T'en as plein des exemples. Ouais, c'est des gens suicidaires un peu. Exactement. Ou juste un peu idiots. Oui. Ou un peu, enfin un peu. Et comme dirait Michel Audiard à une époque, les cons, ça osent tous, ouais. Et même à ça qu'on les reconnaît. Voilà. Bien vu, Florian. Belle référence. Et après, sinon, non, niveau numérique, après, j'avais pas tellement de choses pour 2019. C'était plus niveau cinéma, limite, que j'avais mon mot à dire. Mais j'arrive. Bonjour. Tenez la parole à Flo. Coucou. Ce que je retiens de 2019, j'ai pas fait une très grosse année cinéma en ce qui me concerne. J'ai dû aller voir même pas 20 films sur toute l'année, ce qui est très peu. Pour moi, je comprends que 20, c'est pour certains, ils doivent se dire ouais, moi. Je vais voir deux ou trois films dans l'année. Il y en a certains autour de la table, je ne citerai pas. Ils ont été le dernier film qu'ils ont vu, c'est Le Monde de Narnia. Bonjour. Salut. allez, si je dois en citer quelques-uns qui m'ont vraiment marqué sur l'année, le film Hors Norme était vachement bien. Je valide. C'est ceux qui ont réalisé Nos Jours Heureux et Intouchables. T'es très bien, très beau. Nakash et Toledano. Très touchant. Oui, mais bon, je m'embête pas avec les noms. Puis c'est surtout pour arriver à les dire. Il y avait un qui m'a vraiment fait kiffer cette année, c'était Rocketman, le biopic sur Elton John. Ouais, je l'ai vu. Il est excellent. Moi, je m'attendais à vraiment rien du tout. Bah, surtout qu'il y avait Bohemian Rhapsody juste avant. Ouais, c'est ça. Et moi, j'y suis allé parce que j'étais invité. Mmh. Voilà. Mais alors, c'est très agréable. La musique, la mise en scène, le casting. Non, c'est une belle réussite. L'acteur, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est Taron Egerton. D'accord. Si je L'incarnation d'Elton John, excellent. Au poil. Mais vraiment, moi, si je devais retenir un film de cette année, on en a beaucoup fait parler, que ce soit en bien ou en mal, c'est Joker. Parce que je comprends qu'on puisse ne pas aimer Joker, je conçois totalement, mais moi, ça m'a troué. Et je finirai de parler de ce film-là juste avec un commentaire que j'ai vu passer sous une vidéo YouTube un jour qui disait « C'est étonnant que ce film-là parle à autant de personnes, qu'il fasse ressentir des choses à autant de personnes. » Mais ça a été le cas avec moi. Donc je suis peut-être psychopathe, peut-être que tout le monde va mourir. Pourquoi non, c'est moi qui est assis à côté de lui. Non, je te rassure, moi aussi, ça m'a beaucoup parlé. Ouais, moi aussi, ouais. Et je reviendrai sur ce que j'attends 2020 un peu plus tard, là, parce que je vais laisser parler les autres quand même. Ouais, bah, écoute, jeux vidéo, je vais te laisser lancer, c'est quand même toi le chroniqueur. Jeux vidéo, je m'appelle. Okay. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur jeux vidéo. Alors, 2019... bonjour, c'est François-Xavier. Alors, pour 2019, un jeu vidéo, qu'est-ce que je retiens? Je retiens en premier lieu, et là, je suis très content de ça. Pro Evolution Soccer atomise FIFA à tous les niveaux. Je répète, PES est meilleur que FIFA. Il y en a dans le public, il n'y a qu'à voir leur regard, ils ont envie de te péter la gueule là, à ce moment. Pas que dans le public. Écoute, pas d'accord, coach. Est-ce que t'as testé PES ? J'ai des joueurs e-sportifs, ils sont pas sur PES, non, ils sont sur FIFA. Bon, mais il y a des joueurs e-sportifs sur PES. La scène e-sport est très développée aussi sur PES. D'ailleurs, le jeu s'appelle eFootball PES. eFootball, énorme. C'était le sponsor de la Coupe de la Ligue cette saison. Génial. Attends. Après Domino's Pizza, et génial. Plus sérieusement, pour moi, PES cette année, moi j'ai eu l'impression de rejouer limite à PES 6 sur PS2. J'ai eu des sensations comme je n'avais pas eu depuis cette époque-là. C'est pour ça que je suis très content que Konami ait vraiment fait du bon boulot. Alors certes, il n'y a toujours pas les licences, mais ça, c'est un faux problème, parce qu'on ne peut patcher le jeu avec toutes les licences en one shot. Voilà, donc pour moi, le retour de PES cette année, et même déjà l'année dernière, c'était déjà un peu le cas, mais là, cette année, ils ont enfoncé le clou. Et au niveau du gameplay, pur et dur, manette en main, pour moi, PES éclate FIFA sans problème. Ouais, mais il y a un moment... Moi, le débat sans fin. Pourquoi ne se vante-t-il pas? À ton avis, coach? Parce que Konami sont des abrutis. Ah, non. Merci. Parce qu'Electronic Arts, Electronic Arts a une force marketing que Konami n'aura jamais. Et FIFA est tellement bien implanté qu'il se vendra toujours plus que PES. Je pense que là, c'est devenu à vie tellement. Mais alors, à titre perso, pour ceux qui ne savaient pas, je travaille dans une boutique de jeux vidéo. J'ai vendu beaucoup de PES et on m'a réclamé beaucoup plus PES cette année que FIFA. D'accord. Donc ça me laisse penser quand même que j'ai un tout petit peu raison. Bah, tout de suite, quand on donne pas le choix au client, je ne veux pas contredire. Moi, au bar, personne ne me l'a demandé. Bah, okay. Faudrait des chiffres. En même temps, au bar, tu fais la promotion de FIFA aussi, à mort. Je ne fais pas la promotion de FIFA. Non, mais pour les tournois, je veux dire, tu n'as jamais fait de tournoi PES. Bah, tu n'aurais pas organisé. Personne n'a du mal FIFA, à avoir suffisamment de monde sur un tournoi FIFA. Alors PES. Non, mais je sais, je comprends. Ça va je sais. Non, mais je sais bien que FIFA parle à beaucoup plus de monde. Mais voilà, après, c'était mon petit like sur le foot en 2019 là, en jeu vidéo. Franchement, PES, merci. Mais ce qui doit faire mal aussi à Konami, je pense, c'est le mode compétitif sur FIFA, FUT. Tu en parlais tout à l'heure, coach. Oui, FUT, alors, clairement. Et FUT, ça, c'est... Bien sûr, FUT, ça détruit tout. Ça détruit tout. FUT, c'est la qualité numéro 1 de FIFA, on est d'accord, coach. C'est la seule qualité de FIFA. Mais sûrement. Les gens jouent à FIFA pour FUT, quoi. Moi, au final, j'ai pas joué au dernier PES, et encore moins à ceux d'avant. Mais je pense très clairement qu'il y a de grandes chances pour que tu aies raison. Parce que FIFA est dégueulasse chaque année et qu'ils ne travaillent pas sur le mode carrière, ils ne travaillent pas sur le mode pro. Et moi, je te parlais juste d'un point de vue du gameplay. Manette en main, sensation manette en main. Oui. PES, pour moi, est largement meilleur. Ah, FIFA est plus arcade. Ah, c'est même plus un jeu d'arcade, c'est what the fuck, quoi. Le truc, c'est qu'en plus, sur FIFA, là, tu parles d'un jeu qui a été patché déjà 5 ou 6 fois, je pense, depuis la sortie. Il est patché tous les 2 jours. Donc, c'est un petit peu, déjà pour mes joueurs e-sport, c'est un petit peu la même sensation que pour un joueur Fortnite. C'est-à-dire que 2 jours avant une compétition, bim, t'as un gros patch qui change tout le jeu et tu fais, non, mais les gars, calmez-vous. Voilà. Donc là, par exemple, il part à Clairefontaine juste après un patch. Quoi. Une belle génial. Capacité d'adaptation, quand même, pour le coup. Il faut. Les... Là, du coup, il faut. Ouais. Ok. Ouais. Je continuerai mon petit bilan 2019 avec un truc évident, la Switch, le carton de la Switch en 2019. Ça, c'est pareil. Moi, ça, on n'a pas pu le louper. Je l'ai vu au travers du magasin, au travers des ventes que j'ai pu faire à la fois des consoles et des jeux, notamment concentré sur décembre 2019. J'ai vendu énormément de consoles Switch. Et après, on pourra citer quelques jeux, deux principalement. Ont été vraiment des must-have de la Switch cette année, Luigi's Mansion 3 et le remake de Zelda Link's Awakening. Je pense que là-dessus tout le monde sera d'accord. Moi je pense que j'ai juste envie d'acheter une Switch pour Link's Awakening. Je te recommande vivement de franchir ce pas parce que quand moi j'aurai des sous. Ouais. C'est un des rares jeux que j'ai fait jusqu'au bout cette année. C'est le jeu Game Boy en mieux quoi. Déjà que le jeu Game Boy était exceptionnel, mais là c'est voilà. Ok, excellent. Après moi 2019, c'est simple, je pense qu'il y a un jeu qui est sorti qui a fait énormément de bruit et qui en plus est indé, donc ça va te parler, mais que malheureusement on ne peut pas encore vraiment toucher, nous pauvres français et pauvres ignorants de la langue de Shakespeare, c'est Disco Elysium, qui a raflé énormément de prix sur les Game Awards et qui donne envie, mais de fou, à chaque fois que je vois ce jeu j'ai envie d'y jouer. C'est une sorte de RPG, mais très RPG papier, pardon. Vu de dessus, etc. Ouais. Très dans l'onirisme, les décors sont magnifiques, ça donne très très envie, et il a suffisamment gagné de prix, il s'est suffisamment vendu pour qu'on ait une traduction française qui arrive bientôt. Donc, 2019, je pense que malheureusement, en termes de jeux vidéo, c'était pas forcément la plus grosse année, c'est plus 2020. Ça va être assez violent. Pour une année de transition, c'était quand même pas mal. Oui, pour une année de transition. De toute façon, là, il y a trop de trucs qui sortent, donc il y a forcément de la qualité. C'est un peu pareil niveau cinéma, je trouve. 2019 était pour moi pas une année avec des trucs extraordinaires. Alors certes, il y a eu Joker. Oui, mais il y a eu Joker. Il y a eu des trucs du genre Disney et tout, mais bon, je ne reviendrai pas sur Aladdin ou le Roi Lion, sinon je vais être vulgaire. Enfin, surtout sur le Roi Lion, si j'en parle. Et bonne transition, tu as d'ailleurs 2020, moi, pour mes attentes niveau ciné. Alors, littéralement, j'ai à côté de moi mon portable sur lequel je note des films qui m'intéressent au fur et à mesure. Là, je pense que je suis à 30 ou 40 films. Tu ne vas pas les citer. Non, non, non. Je ne vais pas les citer. On va s'arrêter à Jojo Rabbit. Non, à Jojo Rabbit qui sort dans 3 jours. Il faut aller le voir, ça a l'air génial. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le mec qui a réalisé Vampire en toute intimité et surtout Thor Ragnarok. Il faut aller voir ce truc, ça a l'air dément. Pour citer les principaux noms qui m'intéressent. Les aventures de Roger Rabbit, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas la même. Il y a les nouveaux mutants cette année qui sort, enfin, depuis le temps qu'on l'attendait. Ce truc. Ouais, mais on l'attend pas en fait. C'est quoi ça C'est le reboot, si je parle bien, de la franchise X-Men. C'est un spin-off X-Men en mode cinéma d'horreur. Voilà, oui, c'est ça. What c'est là. Wow. Il y a en termes de films Marvel, on a Black Widow qui sort cette année aussi. Ouais. Et on a, alors, parce que là je les lis dans l'ordre chronologique, mais on a un truc qui parle de jeux vidéo et qui a l'air d'en parler plutôt vachement bien, qui s'appelle Free Player. Ah d'accord. Je sais juste que j'ai montré la bande-annonce à Lucas avant qu'on tourne, on enregistre cette émission, donc il pourra témoigner. Mais c'est avec Ryan Reynolds dans le rôle principal. Okay. Ça a fait une ambiance au niveau humour qui a l'air d'être assez proche de celle de Deadpool, moi qui m'avait beaucoup plu quand c'était cool, sorti. Ouais. Et l'histoire est la suivante, c'est un mec qui vit littéralement dans un jeu vidéo. C'est-à-dire que tout autour de lui, la ville est comme axée jeux vidéo. C'est-à-dire qu'ils ont des... j'ai plus le terme qui me revient, mais ils ont des schémas à refaire chaque jour. Ils sont vraiment des personnages de jeux vidéo. Ils ont un script, quoi. Voilà, jusqu'au jour où il prend l'idée de ne pas suivre ce schéma et ça part en cacahuète. Okay. Qu'est-ce qu'on a au niveau... Ah si, on a oublié le SOS Fantôme avec les gamins. Est-ce que vous avez vu cette bande-annonce? Non. Si, t'as pas vu ça. Ghostbusters. Alors, depuis le temps qu'on attendait Ghostbusters 3. Oui, l'héritage. Ça s'appelle SOS Fantôme, l'héritage. Et c'est avec les fils des acteurs originaux dans l'histoire. En même temps, vu que ce que Paul Feig en a fait, autant essayer de rattraper le coup. Cette année, en 2020, on a le prochain Christopher Nolan, on a le prochain Gar Wright, on a un film de super-héros français. Oh. Si, qui s'appelle Comment je suis devenu super-héros, qui sort en... Oui, c'est là. Non, mais ça a l'air bien. Ça a l'air Bible con comme ça, dit le titre. Français. Non, mais pourquoi forcément non, un titre aussi pourri? Non, le titre est tout pourri, mais Mathé, la bande-annonce, ça a l'air cool, vraiment. Ok, ça a l'air. Et on a, alors, on en parlait tous avant le début de l'émission, on en a reparlé pendant. Enfin, après des années d'attente, on a le film Kaamelott qui sort cette année. Je me tais. Oui, la vengeance est un plat qui se mange sans sauce. Voilà, ceux qui ont vu la bande-annonce. Ah, enfin, non, mais purée, sérieux, c'est... tant qu'on l'attendait, celui-là. Ça me fera une bonne occasion de découvrir Kaamelott, tiens. Autant ouais, regarder la faut... série d'abord. Hein. Il faut bouffer toute la série d'abord, oui. Ouais, ouais, non, les films oui, sont censés être la suite il sera du livre 5. Référencé, le film, c'est ça. Déjà, vu que c'est la suite de l'histoire, oui. C'est la suite de l'histoire de 7 saisons. 6. Ouais, j'ai toujours du mal. 6 saisons. Okay. Et déjà, entre la saison 1, 2, 3, 4 et 5, 6, il y a déjà une différence de timing, une différence de ton. De format, une différence de format, une différence de plein de choses. Très bien. Donc, et puis, non, mais tu peux pas... même, aidez-moi, là, il peut pas ne pas avoir vu Kaamelott, c'est impossible. Je m'en tiens vos conseils. On le frappera, t'inquiète. Ouais, frappez-le. Et juste là, pour finir, voilà, sur mes attentes 2020, à la fin de l'année, il y a deux gros films que j'attends aussi. D'un côté, enfin que j'attends, il y en a un plus que l'autre. On a Steven Spielberg. Qui s'attaque au remake du culte West Side Story. Oh. Ouais. Okay. Je ne sais pas pourquoi. Et on a surtout vers la fin de l'année, pareil, moi celui-là je l'attendais depuis un petit moment, le Dune, enfin, ah, qui oui, nous revient, Dune. Réalisé par Denis Villeneuve. Et autant dire que Denis Villeneuve, je trouve qu'il est excellent dans tout ce qu'il fait. Il trouve chacun des films qu'il réalise et je l'attends impatiemment. Okay. T'as dit le mot Dune, ouais. J'ai une nausée. T'as pensé au film de... Ah ouais. De 84. De 84, ah, oui. On a cherché l'année. Ah, c'est autre chose. Hein. Et alors, je fais un parallèle, une parenthèse qui n'a rien à voir. C'est, enfin, presque. Si vous n'avez pas vu, il y a un documentaire qui existe qui s'appelle Jodorowsky's Dune, qui a été réalisé par. J'ai oublié son nom, ça m'embête. C'est un documentaire qui explique ce qu'aurait dû être Dune si Alejandro Jodorowsky, qui est un très célèbre cinéaste, qui est surtout dans le surréalisme, aurait dû faire. C'est-à-dire qu'il avait engagé genre Orson Welles. Il avait engagé Salvador Dali. Salvador Dali. Il avait, ah, ça, il avait fait des trucs de malade et le documentaire est excellent à voir. À la BO, il avait engagé Magma et Pink Floyd. Voilà. Ah, ouais, on ça, est à ce niveau-là. C'est un peu le Kojima du cinéma. Mater ce truc, moi je l'ai vu au ciné perso et mater ce docu, ça explique très bien et ça donne tellement envie de revoir Dune. Et là, c'est pour ça que j'attends le film avec impatience en cette fin d'année. Très bien. Coach, tu viens d'évoquer Hideo Kojima. Oui. Non. Quelqu'un a quelque chose à nous dire sur Death Stranding ? Parce que c'était quand même le jeu polémique de 2010. Tu n'y as pas touché. Tu n'y as pas touché ? Personne ? Alors, même moi, si je connais rien en jeu vidéo, j'aurais beaucoup voulu. Ça m'a, moi, c'est, il m'intéressait beaucoup. Okay. Du peu d'images que j'en ai vues, j'aurais vraiment voulu y toucher. Donc. Est-ce que tu y as touché, toi ? Oui. Et voilà, laisse-moi dire. C'est vraiment. Alors, c'est du Kojima pur jus. Moi, j'ai beaucoup aimé, personnellement. Alors, c'est un jeu que j'ai mis de côté pour l'instant parce que je joue beaucoup à la Switch. Voilà. Ouais. Que je reprendrai plus tard. Ça demande beaucoup d'investissement. C'est des jeux à la Kojima. Il faut être vraiment dedans. C'est difficile de lâcher en cours de route. C'est vraiment des jeux à faire ultra concentrés, faire que ça. Le jeu a fait polémique de par son gameplay, de par son côté simulateur de marche entre guillemets. Ouais. Mais justement, Kojima, à mes yeux, il a su rendre ça intéressant. Le gameplay autour de ça est intéressant. Tout est question d'équilibrage dans la livraison, parce qu'en fait, on effectue une livraison entre les points A et d'un point B, c'est quasiment ça tout le jeu. Comment réussir à rendre les quêtes FedEx intéressantes C'est ça. Et Kojima, à mes yeux, il y est arrivé parce qu'il a su rendre un gameplay qui est présent dans plein de jeux, au final, intéressant, avec des mécaniques qu'il a créées, qu'il a apportées au jeu. Le fait que voilà, quand on fait une livraison, justement, on peut pas, il y a toujours des choix à faire, on peut pas tout emmener sur son dos. Alors, il y a le poids, prendre en compte l'équilibre. Il y a aussi la direction artistique qui est complètement dingue. Moi, personnellement, le Norman Reedus, que je connaissais pas tant que ça en tant qu'acteur. Parce qu'à part Walking Dead, honnêtement. Ouais, alors Walking Dead, je suis plus comics que série télé, mais c'est pour ça que je le connais pas trop. Mais le Norman Reedus, l'incarnation de Norman Reedus est très très réussie. Elle est assez doux, un peu plus en retrait dans le jeu. Les autres sont vraiment pas mal aussi, notamment le méchant entre guillemets. Mikkelsen. Comment il s'appelle ? Ouais. Mads Mikkelsen. Ah, purée, tu parles de Léa Seydoux, je fais une autre parenthèse, excusez-moi, il y a quand même cette année aussi le nouveau James Bond qui sort. Hein, je l'avais oublié de le citer, celui-là. Elle est dedans ? Mm-hmm. Ouais. Oui. Parce que. Voilà. Il avait prévu le son, c'est beau. Parce qu'on a un animateur, on l'a pas précisé, qui est horriblement fan de James Bond. Horriblement, Elmo. Ouais. Surtout avec les derniers films, non, c'est ça, c'est pas ce que tu voulais dire. Je ne suis pas un grand fan de Daniel Craig, même s'il a su me surprendre, notamment avec Casino et Skyfall. Ouais. Mais c'est deux très bons James Bond. Vu Spectre, je n'attends absolument pas à Mourir peut attendre. D'accord. Voilà. Au mois d'avril, si vous voulez le voir. Et vous en pensez quoi justement de cette polémique qu'il y a eu autour de du nouveau 007. Ah, c'est, ouais, c'est intéressant. Alors ouais, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, ouais, vas-y, on sait jamais. Ouais. Il, apparemment, il y a une époque, mais je ne pense pas que ça soit le cas, moi, il y a deux 007 qui ont été annoncés au casting. Voilà, je fais un 3 avec mes doigts, hein, je suis motivé, moi. Deux 007 qui ont été annoncés au casting. Donc on a Daniel Craig, hein, qui incarne James Bond jusqu'à présent, et une femme. Et c'est un peu le même débat, on parlait de Docteur Who tout à l'heure, c'est un peu le même débat qu'il y a eu au moment où on a dit que le docteur allait être remplacé par une docteur. Moi, perso, j'en ai un peu rien à foutre. Et je ne pense pas que ça soit une vraie polémique, d'ailleurs, parce qu'il y a... Je ne sais plus où je l'ai lu ça sur Internet il y a quelques jours, mais apparemment, elle ne deviendrait pas tout à fait nouveau 007. C'est les producteurs ont tranché. Hein. C'est-à-dire que pour la productrice, James Bond, ça peut être n'importe quelle couleur de peau, mais ça doit rester un homme. Ah, d'accord. C'est mort. Okay. Et là, l'idée de mettre le fait que 007 soit une femme ne veut pas dire que James Bond devienne une femme. Il transfère juste son matricule, parce qu'à la fin de Spectre, il démissionne. D'accord. Donc c'est tout à fait normal que son matricule passe à quelqu'un d'autre. Ouais, okay. D'accord. Très bien. Donc ouais, non, c'est une fausse polémique. Ouais. Je voulais juste ajouter un truc, peut-être qu'avant qu'on passe aux attentes de 2020, oui. Pour 2019, oui. La consécration enfin de From Software. Pour Sekiro, ouais. Qui a quand même été élu, élu jeu de l'année. Jeu de l'année au Game Awards et qui mérite son titre. Clairement. Qui n'est pas pour tout le monde. Alors, oui, un jeu qu'on ne va pas mettre en toutes les mains, ça c'est sûr. Typiquement, je ne l'ai pas mis dans les miennes. Hein. Ni déconner, dans les miennes. Faut pas déconner. Mais c'est juste un petit bijou. Vraiment, ça je vous le recommande. Testez-le au moins une fois. Ce sera peut-être un peu plus accessible qu'un Demon's Souls quand même, ou même qu'à la série des Dark Souls. Et c'était quoi le jeu Lovecraftien sur PS4 qu'ils avaient fait là ? Bloodborne. Voilà. Bloodborne. Ça j'ai bien aimé. Ouais, Bloodborne, excellent aussi. Mais pour c'est France quand Software, même très malsain tout ça. Ouais, mais voilà. Moi, j'aime bien cette histoire-là. From Software, ils ont fait des jeux même avant. Alors, c'est Demon's Souls qui les a fait connaître du grand public. Ouais. Et pourtant, ils avaient fait les Kingsfield avant et plein de jeux. Merci de m'avoir donné le nom parce que je les avais complètement zappés. Mais Demon's Souls, moi, quand je l'ai découvert sur PS3, qu'est-ce que j'en ai bavé, mais qu'est-ce que j'ai aimé aussi. Et ce principe de laisser sa trace, que les joueurs du monde entier puissent laisser leur trace pour t'indiquer le chemin à suivre, pour t'aider. Ce concept, j'ai tout de suite repris justement un peu par Kojima dans Death Stranding avec ses échelles. Oui, tout à fait. C'est très bien foutu, d'ailleurs. Le côté communautaire de Death Stranding est excellent. Très bien fait. Mais du coup, voilà. Saluons Sekiro pour son prix de jeu de l'année 2019. Et on passe aux vos attentes pour 2020. Perso, c'est fait, je vais aller boire un coup. Hein. Tout pareil. Il a pris de l'avance, lui. Et on passe à la chronique suivante. Allez, c'est ça. Maintenant, on lance la pause musicale. Allez, coach, envoie tes... Bah, là, jeux vidéo, nous, il y a des choses à dire. Hein. C'est sûr que 2020, autant 2019, c'était pas la folie. Une année de transition, comme tu as dit. Autant 2020, bah, déjà, à la fin de l'année, on va se bouffer les nouvelles consoles. Exact. Donc PS5, ouh, la grosse surprise, ils l'ont appelé PS5, c'est génial. Xbox, je sais même plus. Scarlett. Alors Scarlett, c'est le nom de code, c'est Series X. Je reste à Scarlett, c'est quand même vachement plus cool. Je pense que déjà ça c'est une erreur. Quoi. Non mais oui, enfin, ça fait quoi ? Ça fait 10 ans que Xbox fait que des erreurs. C'est un petit peu ça. Hein. Bah, honnêtement, à part la Xbox One, ils ont pas eu la Xbox 360, ils n'ont pas eu de bonnes idées hein, voilà, jusque-là. Hein. C'est un peu ça, c'est qu'il y a énormément de conneries du côté de Xbox et que je n'ai pas l'impression de voir un truc sortir du... En même temps, moi, j'attends quand même de voir, justement, je pense que ça sera le réveil de la Xbox là, sur cette génération. Ils ont fait l'acquisition de plein de studios. Ils ont acheté des studios, par contre, rien annoncé. Notamment, ils ont pris tous les développeurs de God of War. Ouais. Comment, c'est la vérité, ça? Oui, ils ont démantelé complètement Sony Santa Monica et ils ont dit venez faire un jeu chez nous. D'accord. Alors, ok. Bon, bah ça. Moi, tant que Santa Monica reste en vie. Donc, à suivre, j'ai envie de te dire. Et il faut savoir que moi, ça faisait partie de mes attentes de 2020, justement. Je sais pas qui connaît Hellblade, Senua's Sacrifice. Ouais. Ça me dit quelque chose. Qui était sorti sur PS4. Je te rassure, mon PC aussi. Merci. Il y a deux ans. On va parler qu'à deux. T'inquiète, on est là. Allez. Qui est un jeu. Je vais me chercher à voir, j'en ai. Qui est un jeu qui ressemble dans son gameplay à du God of War, où on incarne une nana complètement triturée. Enfin, c'est très psychologique comme jeu. Et le lancement de la Xbox One Series X sera accompagné normalement de Hellblade 2, qui sera la démo technique de Xbox One Series X. Ouais. Et ils ont piqué déjà cet exclu-là, qui était pour moi une très très bonne exclu PS4. Alors, est-ce que ça va être une exclu? Ou est-ce que le jeu sera sur... Parce que je suis pas en état de te le dire. Au moment de l'annonce, il me semble pas d'avoir vu un Only on Xbox. D'accord. Donc il me semble que le jeu sortira quand même sur PS5. Et dans un premier temps, uniquement sur Xbox. Quoi. Il y a possibilité pour qu'il y ait une exclusivité temporaire. Il me semble qu'ils ont racheté Ninja Theory, hein, qui est le développeur. D'accord. Ok. Bah alors, À vérifier alors. À vérifier, mais il me semble que c'est une exclu. Est-ce que vous avez des choses à rajouter pour ce débat? Pour les attentes, moi j'en ai. On va avoir une liste de joueurs. Ouais. Assez quelles attentes as-tu? Déjà, le grand trio, je pense, pour l'année qui arrive, FF7, Remake, Last of Us 2 et Cyberpunk 2077. Pour moi, seront les trois qui vont se battre pour qui sera le meilleur jeu de l'année, parce que clairement, ce sera dans l'eau. Alors oui, j'ai beaucoup d'espoir en FF7 Remake, mais je pense pas que ce sera celui-là qui remportera le truc. Moi, je pense pas. Oui, ça pour le coup. Last of Us 2, bon, on fait confiance quand même à Naughty Dog pour nous sortir une histoire et on va s'en prendre plein la gueule. Et je pense que Cyberpunk va mettre un grand coup de pied dans la fourmilière des GTA-like. Ouais. À part GTA, personne ne met de coup de pied dans le cul de Rockstar. Là, c'est peut-être le moment. Ouais. Et c'est des projets qui sont capables de faire ça. Ils sont capables, ouais. Bon, moi, je n'ai qu'une seule attente pour 2020 en termes de gaming. Parce que je me suis pris une grande claque en début d'année 2019. Oui. Vous allez l'autoroute. Hein. En 2019, je dis, tiens, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à un bon Resident Evil. Ah, RE3, bien sûr. Parce que RE2, c'est un petit peu mon jeu préféré sur PlayStation. En tout cas, mon survival horror préféré avec Silent Hill 1. Et j'ai pas eu un très bon Resident Evil depuis le 4. D'accord. Faut être honnête. Ouais. Le 7 est sympa, mais c'est pas un Resident Evil du tout. Tu l'as fait en VR ? Non, pas en VR. Je l'ai fait en... Yann, il pourra pas le faire en VR. Non, il a peut-être été développé surtout pour la VR et peut-être chiant à faire hors VR, je sais pas. Ça reste un jeu qui est sympa, mais c'est pas un Resident Evil. Ok. J'ai flippé devant, j'ai bien aimé, j'étais dedans, mais j'étais pas devant un Resident Evil pour moi. Resident Evil 2, déjà, l'idée qu'il fasse un remake, ça fait depuis la GameCube que j'attends ça, parce qu'il nous avait roulé à l'époque en nous sortant un remake de Resident Evil 1, un nouveau Zéro avec le même moteur, et de nous dire, tiens, on va sortir tous les Resident dessus, mais qu'au final, le 2, le 3 et le Code Veronica, c'est juste le portage de la version PlayStation. Ouais. Sur GameCube, ça a fait un peu mal, et il a fallu attendre je sais pas combien de temps pour qu'ils disent, ouais, on va faire un remake. Et là, le remake sort et tu fais, ah ouais, d'accord. Ouais. Ça valait le coup d'attendre. Donc Resident Evil 3, qui n'est pas vraiment un de mes Residents préférés. Assez bizarrement, j'ai jamais réussi à le finir comme il faut, et vraiment en me disant, ouais, j'ai la meilleure fin. Mais là, putain, qu'est-ce que je peux l'attendre, celui-là, juste pour revoir Nemesis en HD. Ouais. Moi, je tiens à préciser que la dernière fois que j'ai joué à un jeu Resident Evil, c'était chez Yann. Et c'était RE2. Ouais, c'était celui-là. Et il m'a quand même enfermé dans sa chambre. Il a fermé les... Ah non, mais attendez, je finis l'anecdote. Il m'a enfermé dans sa chambre. Il a fermé les volets. Il a éteint toute lumière. Il m'a démarré le PC. Il a fait, maintenant, tu te démerdes. Et je lui ai mis un casque sur les oreilles. Et il a mis le casque. C'est des conditions idéales, ça, pour jouer chez lui. Franchement, On appelle ça l'immersion, Florian. Voilà. Non, mais c'était génial. Et franchement, j'ai plutôt kiffé le jeu, en plus. Vraiment. Donc, voilà. Après, Yann, est-ce que je peux... Un petit dernier truc, je pense, en jeu vidéo, notamment par rapport à la VR, c'est le prochain Half-Life. Ouais, clairement. Half-Life Alyx, qui a l'air incroyable. Enfin, ouais. Je sais pas s'ils vont tenir les promesses du trailer. D'ailleurs, pour l'occasion, tous les jeux Half-Life sont gratuits sur Steam, oui, pas dans 6 mois. Ouais. Nice. C'est pour fêter ça, ouais. Ah, il va falloir que je passe sur Steam, alors. Il va falloir profiter de ça. Non, mais ouais, Half-Life, ouais. Et pour la VR aussi en général, hein, 2020, ça peut être l'année où. Si Half-Life est un très grand jeu, ouais, et ce sera la killer app qui fera acheter des casques. Alors, pour coup, c'est ça qu'on attend. C'est à condition que les développeurs attendent ça, en fait. Ouais, à condition d'être équipé en PC, parce que malheureusement, Alyx, ça ne sortira pas sur PSVR, qui est le casque VR le plus vendu à ce jour. Ça, c'est un peu dommage. Ils y réfléchissent quand même. Hein. Ils y réfléchissent. Oui, parce que bon, ils savent quand même que c'est le casque le plus cher, le plus vendu. Donc, t'as des indiscrétions de chez Valve. J'ai pas des indiscrétions de chez Valve, mais j'ai des retours de monsieur. Comment il s'appelle, Gabe? Game Informer. Julien Chies. Non, le patron là. Le patron de Valve, là, qui avait balancé en interview. Pourquoi pas? D'accord. Oh. Ok, très bien, merci. Ok, super. Bah, on prend. Ouais, on prend. Bah, faut le savoir, parce que ils sont pas contre la console, parce qu'ils ont développé une version de Steam spéciale pour la PlayStation 3 au moment de la sortie de Portal 2. Putain, quelle culture, Yann. Excellent. Ouais, très bien. Incroyable. Bon, alors espérons que Alyx déboule sur PSVR aussi. Pour le coup. Ouais, en vrai, ce serait vraiment bien. Après, vu les promesses en termes de gameplay, je suis pas sûr que le PSVR soit capable, en fait. Avec la PS5. Honnêtement, peut-être. Les promesses en termes de gameplay à l'époque d'Halo 2 n'ont jamais été respectées. Non, mais... Donc bon, moi, j'y crois plus. Hein. Là, le PSVR est quand même bloqué par un espèce d'angle à 90 degrés. les autres casques de réalité virtuelle, tu es vraiment à 360. L'exemple parfait, c'est Beat Saber. Nous, on l'a ici au Four Gamer sur un casque de PSVR. Il y a un nouveau mode qui est sorti, c'est un mode 360, c'est-à-dire que les partitions arrivent de partout. Tu dois te retourner, etc., pour continuer à mettre des coups de sabre dans les notes. Sur PSVR, comme c'est la caméra et uniquement la caméra qui te prend, on a le mode, il s'appelle plus 360, il s'appelle 90. C'est-à-dire que les notes ne peuvent venir que de l'avant. Voilà. Ouais. Donc, est-ce que ça peut bloquer pour un jeu comme Alix, je pense. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai le PSVR à la maison. C'est pas moi que j'ai pas touché quand même. Mais bref, j'ai le souvenir quand même que dans Batman VR ou dans Until Dawn, Rush of Blood, quand je me retournais comme ça. C'est très radiophonique ce que tu veux faire. Il y a plus le micro. Donc, ça fait combien de degrés là comme ça. Là, t'es déjà à 180. Là. 180. Merci. Je suis nul en maths. Eh ben, je voyais le décor derrière moi. Non, mais tu le vois derrière toi. Par contre, tu ne peux pas te retourner toi à 180 degrés et faire encore fonctionner tes moves. Ah, d'accord. Elles ne sont plus détectées. Okay. J'ai deux infos quand même. Parce que si ils sortent le jeu sur console, ils le sortiront vachement plus tard. Et entre-temps, il y a une PlayStation 5 qui sort. Oui. Et un nouveau casque VR. Ah, là, c'est pas sûr. Donc, je ne sais pas. Si, il y aura déjà eu un upgrade sur le casque VR. C'est un upgrade, si ça reste un upgrade, mais sur la PS5, ce ne sera pas suffisant. Sur la PS5, il y a un truc qui fait vraiment chier tout le monde sur le casque VR Sony, c'est les fils. C'est les fils. Ouais. La prochaine évolution du PSVR, je pense que ça sera un casque. Mais je pense qu'il y a eu une annonce, c'est Oculus, il me semble, qui a sorti récemment son casque sans fil, là, même sans PC. Un casque aussi, ça s'appelle la vraie vie. Non, ouais, mais un casque VR sans câble. Donc le PC est directement intégré dedans, entre guillemets. D'accord. Mais tu as eu un OS un petit peu limité, c'est-à-dire que tu n'as pas accès à tous les jeux du catalogue, mais seulement à certains. Et en plus, ils ont rajouté un petit câble que tu peux brancher pour pouvoir avoir accès à tout le catalogue. Mais enfin, et de ce que j'ai vu ça sur Gamekult, c'est assez abordable en termes de prix, bizarrement. Qu'est-ce que tu appelles abordable ? On est sur du 500, 600, on n'est pas sur du 1000 balles, quoi. Non, mais un casque. Abordable. Un casque qui vaut l'Oculus Rift où tu n'as pas besoin d'avoir un PC à côté, à 500, 600 balles, faut voir ça reste quand même correct. Il faut voir les specs du casque, mais oui. Les specs ne sont pas dégueux. C'est sûr qu'on est divisé par deux par rapport au premier prix des casques VR, c'est sûr. Voilà. Est-ce qu'on est bon ? Est-ce que vous voulez encore vous écharper ? Juste une question concernant la réalité virtuelle. Vous pensez que niveau e-sport, est-ce qu'ils vont pouvoir faire quelque chose ou pas un jour ? Ils tenteront des choses, mais ça prendra. Si ça prend, on sera tous morts. Quoi. Ouais. Ça n'existe pas déjà. Jamais eu de connaissance. Il y a peut-être eu des compétitions qui ont été faites sur. Je sais qu'il y avait eu un jeu sur PS4 en mode un peu comme une sorte de ping-pong où tu t'envoies des balles, ça va assez vite, etc. Ils ont essayé de vendre ça comme un jeu e-sport. Ping-pong VR. Il existe celui-là. Mario Tennis. C'est vraiment. Non, je me rappelle plus du tout du titre. J'avais un client qui me l'avait ramené un jour, on l'avait testé. Enfin, tu transpires au bout de 5 minutes. Ouais, c'est suant de fou. C'est une horreur. Le truc, je pense, c'est l'e-sport en général, ça repose sur le skill, manette en main. Tu vois. Ouais. Le PSVR, c'est une autre façon de jouer, d'appréhender le jeu vidéo. Et pour le coup, il faudrait que ça se démocratise de fou furieux pour qu'il commence à y avoir des jeux beaucoup plus adaptés à une pratique compétitive en fait. Ouais. Mais le skill, c'est pas des expériences. C'est ça exactement. Peut-être que ça soit plus accessible aussi. Mais le skill, si tu veux, c'est pas la qualité première demandée quand tu joues à un jeu PSVR. Enfin, un jeu VR tout court. Je crois qu'il va falloir écourter vu le timing qui nous reste. Yann, est-ce que je peux juste ajouter 2-3 attentes Si tu veux. Je peux. Écourtons. On va faire très courte. C'est des jeux, ça peut pas parler à grand monde, mais moi j'y tiens. Street of Rage 4. Ah oui. Street of Rage 4. La suite du beat bémol mythique de Sega avec Lizard Cube à la réalisation et Yuzo Koshiro de retour pour les musiques. Axiom Verge 2, la suite du premier, donc qui est le meilleur Metroid NES-like fait par un seul gars. Le Panzer Dragoon Remake, légende de la Saturn sur Switch qu'on attend. Et j'ai terminé. 3-2-1. Yes. 0. Ah, bravo. J'ai terminé. Ah, bravo. Merci. Yes. Bravo. Pile poil dans le chrono. Bon, je crois que pour nous remettre de toutes ces émotions, je vous propose une petite pause musicale. Tout à fait. Avec un truc que vous connaissez sûrement par cœur. We'll be right back. De retour dans la Geek Nation pour attaquer, je vais y arriver, la troisième partie de l'émission. Une partie qui commence avec... L'ABC Geek avec Forum Game & Geek. Et oui, l'ABC Geek avec Forum Game & Geek, ce mois-ci qui sera notre partenaire. Notre partenaire qui va nous faire gagner quoi ? Alors, ce mois-ci, il y a un bon d'achat de 50€ à gagner chez Forum Game & Geek. Et est-ce qu'on sait qui veut gagner ces 50€ ? Ouais. Alors, est-ce qu'on sait qui veut gagner ? Je vais dire un truc, on va faire un jeu avec le public, ça va aller très vite. Étant donné qu'on n'a pas prévu le tirage au sort, je tends ma main bien devant, tout le monde pourra le voir. Le premier qui vient me taper dans la main, c'est lui qui joue. Qui c'est qui arrive ? Voilà, comme ça, moi. Désolé pour ceux du fond. Hein. Voilà, vous avez qu'à être là. Alors voilà comment ça se passe. Aïe, aïe. Voici les règles. Vous avez 26 questions. Chaque réponse dans l'ordre alphabétique. L'objectif n'est pas de répondre aux 26 questions, mais d'arriver dans le temps imparti à Z. Et de répondre à la question Z. Hein. Exemple, la réponse à la première question commence toujours par un A, la seconde par un B, et ainsi de suite. Si vous ne savez pas, vous passez. Si ça revient à moi, c'est perdu. Il faut donc faire le plus de lettres possible avant la fin du chrono. Une seule réponse possible. Si vous vous trompez, la main passe. Est-ce que vous avez compris ? J'ai une question. Oui. Il faut connaître son alphabet. Oui, c'est la base. Merde, ça va poser problème. Si vous arrivez à Z dans le temps imparti, le candidat remporte le cadeau. Zerator. Je vais être extrêmement gentil pour ce premier ABC Geek. Merci. On fait directement gagner Marie. Non, ouais. Yeah. Tiens, Marie, viens chercher. Là. Cadeau. Non, pas tout de suite. Ah, no. Ok, j'ai rendu. Est-ce que vous êtes prêts ? Non. Pas du tout. Mais on va y aller quand même. Eh bien, je lance le chrono. En A, le service de VOD d'un géant de l'e-commerce. Lucas. Auchan. Perdu. Amazon. Sûr. Amazon. Gagné. En B. Ah. En B. Baba. C'est quoi ? Coach. Je passe. Flo. J'en ai aucune idée. Lucas. C'était Brooklyn Nine-Nine. Ah. En C, un navigateur Chrome. Je l'ai donné, allez. Chrome. Ah oui, c'est la dernière question. D, la mère des dragons. Daenerys. En E, la Renaissance était son terrain de jeu. Je ne sais pas. Helsinki. Pourquoi Helsinki ? Je ne sais pas. Oui, c'est super galère. H, Helsinki. En E, la Renaissance était son terrain de jeu dans Assassin's Creed. Coach, Ezio. En F, porter une bague est une grosse galère pour lui. Foutrement aucune idée. Francis. Lucas. Non. Non. Frodon. Ah oui. Tu vas trop vite. Oui, je sais, c'est fait pour. Le Real des Gardiens de la Galaxie et du reboot de Suicide Squad en G. Florian. James Gunn. En H, sans lui, la Xbox aurait été bien compromis. Passe. Je passe. Allô ? Allô ? Gagné ! Oh. En I, DiCaprio et Nolan m'ont coincé dessus depuis 2009. Inception ! Tant pis, même si c'était pas moi, je m'en fous. En J, Arthur Fleck aura peut-être l'Oscar pour ça. Je sais pas. Joker. Pas en ça, putain, la honte. En K, ah une oui, barre Joker, de chocolat et la quatrième version d'Android. Je passe. Kinder ? Non, Kit Kat. Kinder ? J'en sais rien. Une barre de chocolat, ça marchait, non ? C'est la version K de Tinder. Ah merde. Je sais plus où on en est. Ah bah K. Foutez-moi la pêche, je suis en train de finir mon hot dog. Bon. Toi que tu as acheté au For Gamer. Fais maison. For Gamer. Fais maison. En L, le destin perdu de l'étrange village ne lui fait pas peur. Letton. Joli. M, pour James Bond, ça peut visiblement attendre. Mourir. Et on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Pourquoi est-ce que je te trahirais ? Parce que tout le monde a un secret. Il est temps de s'intéresser au tien. Le monde s'arme trop vite pour qu'on puisse suivre. Où est 007 ? Aide-moi, mon frère. Il n'y a qu'à toi que je peux confier ça. Le monde a évolué, commandant Bond. Vous êtes double zéro. Depuis 2 ans. Alors restez sur votre fil. Si vous me barrez la route, je vous mets une balle dans le genou. Le bon genou, bien sûr. En N, du vidéoclub à la VOD, il n'y a qu'un plat pour eux. Netflix. En O, selon Netflix, c'est le nouveau noir. OCS. Je passe. Orange. Oh, ah, oui. P, le genre de film dans lequel Robert Pattinson va bien se reconvertir après Batman. Je passe. Putain que j'en sais rien. Poète, je sais pas. Polar. Le porno. Oh, c'est pareil. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Parce que est-ce qu'on peut revenir sur cette vidéo? Ouais, j'aimerais bien qu'on... Replay. Alors, on va revenir là-dessus. Robert Pattinson a annoncé que si Batman foirait, il allait se lancer dans le porno. Ouais, private joke. Est-ce qu'on va pas tous faire une pétition pour que personne aille voir Batman? Au contraire, non. Au contraire, non. Ça donne envie, dit comme ça. Hein. Oh, y a que toi qui regarderais. Ouais, voilà. Ça m'intéresse non, mais c'est pour la science. C'est pour la science. C'est pour la science. La science de quoi? Bon, après le P, est-ce qu'on peut parler de cul pour faire une bonne transition? Ah. En Q, le vif d'or, on est la cible. Quidditch. En S. Et le S, non, c'est... Non, il y a le R après le Q. Hein. Non. À part ça, c'est Lucas qui sait pas son alpha. En R, Nemesis en est le Big Bad. Resident Evil. 3. Et en S, Superman. En T, il était vendu avec la Game Boy. Tetris. En U, un studio de cinéma planétaire. Universal. Presence. For Gamer Tonight. Gamer. At the Ignition, for the first time in Saint-Etienne. Avec l'exceptionnelle participation de Marie. Et pour info, cette version du thème, c'est Jerry Goldsmith qui l'a composé en 1990. Jerry Goldsmith qui a notamment composé La planète des singes. Oh, okay. En V, il ne faut pas prononcer son nom. Voldemort. En W, un grand homme polonais à la crinière blanche. The Witcher. En X, un RPG de Nintendo et Monolith. Xenoblade Chronicles. En Y, des dinosaures comme lui, il n'y en a pas à Jurassic Park. Jurassic Park. Désolé. Yoshi. Et en Z, une princesse dont la quête est devenue une légende. FX, qu'est-ce qu'on dit? C'est gagné. C'est gagné. Ah, on a été fort. Donc je te laisse offrir le bon d'achat. Madame Marie, s'il vous plaît. Ah oui. Madame, je vous remets ce bon d'achat de 359 francs et 78 centimes. À valoir chez Forum Gaming. N'hésitez pas à l'ouvrir, on sait jamais. Hein. Ouais, ça se trouve, il y a qu'une enveloppe. Vérifie quand même, parce qu'avec Yann, on sait jamais. Oh, tout de suite. C'est une carte d'anniversaire, pour nous. Et c'est une belle preuve. C'est confirmé à la caméra, je peux vous le dire. C'est confirmé, c'est gagné. Tout va bien. Et c'est Marie qui le gagne. Et Marie est contente. Et bravo, Marie. Bravo, Marie. On applaudit Marie. Ah, bravo. Merci, Marie, pour ta participation. Bon, pour nous remettre de ces émotions, je me retourne vers le coach. Ah, encore? C'est tout ça. Dis donc. Tu es mon calmant. Ah, génial. C'est la dernière partie de l'interview. Oui. Et pour cette dernière partie, je voulais te demander quelle est l'actu du 4Gamer? Qu'est-ce que vous préparez? Alors, qu'est-ce qu'on prépare? Je vais notamment parler du premier truc. On en a déjà un petit peu parlé, mais bon, mes tournois sur mes jeux pourris. Donc, en ce moment, c'est Star Wars. Je ne sais pas si tu connais Star Wars. Oh, si, moi, on a parlé. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de narval. Est-ce que quelqu'un sait sur cette table qu'est-ce qu'est un narval? C'est un narval avec une corne sur le front. Exactement. C'est le sort. Ou pardon, c'est une sorte de licorne de la mer, si on peut dire. Oui, ça peut y aller. Et c'est un jeu que vous devez jouer en général sur un canapé, un peu à la Mario Party, hein, un petit jeu. Un party games, comme on dit. Et j'organise des tournois une fois par semaine en ce moment dessus, ce qu'on appelle une speed cup chez nous, parce que c'est une cup avec plusieurs étapes, mais qui vont très très vite. En un mois, c'est réglé et on a nos vainqueurs. Donc en ce moment, vous avez du Star Wars au 4Gamer. Mais vous avez aussi nos événements classiques, comme j'en ai parlé, donc Loup-Garou les jeudis, du blind test qui arrive, et notamment par rapport au quiz, le 10e édition du quiz qui arrive. On n'a pas encore de date, mais ça va arriver d'ici une ou deux semaines. Il faudra être présent parce qu'on prépare des trucs avec Clavier, on espère faire un événement assez particulier pour cette fois, pour cette fois-ci. Sinon, en termes de tournoi, on a logiquement, alors là, on a une petite exclue parce que c'est pas encore très très officiel, mais on devrait avoir un très gros un très gros tournoi sur FIFA avec cash prize, etc., qui devrait arriver d'ici un mois et demi. Voilà. Bon. Pardon. Accessible pour tous le tournoi FIFA ? Accessible pour tous. Pas de tournoi PES de prévu ? Toujours pas. désolé. Bon, pour finir cette interview, je vous propose à chacun d'entre vous de poser une question à l'invité. Ah, allez-y les potes. Lâchez-vous. Je propose qu'on commence par Lucas. Parce que moi, perso, j'ai pas d'idée. Pour alors, tout pareil, mais je vais trouver. Niveau FIFA, moi, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. D'accord. C'est le seul jeu auquel je joue actuellement. Ouais. C'est quoi vos projets à long terme ? Tu nous parlais de ton joueur qui a été sélectionné en équipe de France. Nous, très franchement, comme je l'ai dit au début, on n'est pas une structure e-sport classique. C'est-à-dire que nous, l'objectif, là, c'est de faire en sorte que nos joueurs se développent. Si demain, une structure comme Vitality vient les chercher, on ne dira pas non. On sera même plutôt content, en fait. Donc, l'objectif, c'est de continuer à le suivre, quelle que soit son équipe, quel que soit son parcours, et de l'encadrer, enfin, surtout lui pour l'instant, mais il y a aussi Limox qui est derrière et qui, lui aussi, fait de gros résultats. Donc, le but, c'est de les accompagner au maximum, quel que soit leur futur. Donc là, le futur s'annonce plutôt radieux. Il serait annoncé moins radieux, ça n'aurait rien changé. C'est-à-dire que nous, c'est des petits jeunes qui sont chez nous, qui viennent régulièrement, etc., en qui on a confiance. Donc, entre guillemets, évidemment, on donnera tout pour eux. Donc l'objectif, c'est pas d'avoir... on n'a pas d'objectif pour nous, en fait. Évidemment, avec la notoriété qui arrive là par rapport à leurs résultats, il y a des possibilités d'aller chercher des partenaires un peu plus gros, notamment, je pense, à la SS. Alors, je ne sais pas si un dirigeant de la SS écoutera la Geek Nation, mais peut-être. On est ouvert, hein. On est ouvert, on attend. Est-ce que la SSE a un club d'e-sport ? Non, justement, on aimerait bien être la pierre qui manque à leur édifice pour commencer à ouvrir une session e-sport. Et clairement, le rêve, ce serait que le 4Gamer e-sport, ce ne soit plus le 4Gamer e-sport, mais que ce soit SSE e-sport. Ce serait bien. C'est un peu l'objectif, mais après, c'est pas un objectif. Si on le réussit pas, c'est pas grave. Vous voyez, c'est le genre d'objectif qui est pas obligatoire d'atteindre. Pas prioritaire. Voilà. Et Fix, une question ? Ouais, une question. Coach, qu'est-ce que je pourrais te demander ? est-ce que tu peux me citer un de tes meilleurs souvenirs depuis que tu es ici, depuis la création du 4Gamer, une de tes meilleures soirées ou une anecdote ? Je sais pas. Je pense que je vais parler de la soirée d'anniversaire des 1 an. Ah oui, ça. C'était vraiment très particulier parce que, alors je ne peux pas faire la comparaison par rapport à d'autres bars ou à d'autres lieux qui pourraient plus ou moins nous ressembler, mais c'est vrai que le côté gaming, le côté 4Gamer, premier bar gaming de synthé, e-sport, etc., ça a créé une communauté. Bon, là, vous les voyez, ils n'écoutent pas l'émission, ils s'en foutent, mais c'est des gens qui ne se connaissaient pas au début et qui maintenant sont hyper potes. Et même avec nous, on en a certains, une bonne quinzaine, une bonne vingtaine qui sont devenus des vrais amis. Donc, il y a eu des petits moments un peu de nostalgie, un peu sentimentaux pendant cette soirée des 1 an qui était très, très, très important, qui était très, très cool à vivre. On a fait tourner des petites vidéos aux clients pour leur demander ce qu'ils pensaient du bar, etc. C'était très émouvant. Voilà. Et deuxième chose, ça va être la soirée d'Halloween qu'on a faite au dernier Halloween, où c'était un sacré bordel. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on avait demandé aux gens de se déguiser. Si vous pouvez voir derrière moi, les potes, eh ben non, elle n'est plus là. On a une hache de Kratos parce qu'on a eu un Kratos d'une ressemblance incroyable. Déjà de base il ressemble à Kratos le mec, mais en plus déguisé, en plus avec une hache qu'il avait faite lui-même et qui était particulièrement bien faite, il était le roi de la soirée. Et on avait tout le monde de déguisé, etc. Donc c'est un grand moment. Cool. Voilà. D'ailleurs je me rappelle du trailer que vous aviez fait pour la soirée. Ouais, on avait profité pour faire une petite vidéo sympathique qui est toujours visible sur YouTube et qui nous avait bien fait rigoler. Moi aussi. Et ça va être donc à moi la dernière question. Alors moi je vais rester dans mon domaine de compétences, cher coach. Oula. Malheureusement, je me varierai plus pour les autres émissions. Quel est votre film préféré de tous les temps, cher coach? Est-ce que j'ai le droit d'en dire deux ou trois? Parce que c'est compliqué de choisir. Allez, deux, American History X. Et j'ai envie de dire, pour rester, on va rester dans le même... ah non, on va dire Line. Et ma dernière question, sur, c'était bien le monde de Narnia? Non. Non, j'y suis allé, on va pas se mentir, à l'époque j'y suis allé pour accompagner ma copine. Bon, bah voilà, c'est pas mon truc aller au cinéma. Te justifie donc, pas. Non, mais il n'y a pas de justification. J'y retournerai pour Kaamelott. Voilà, j'y retournerai pour Kaamelott. Une fois tous les 10 ans. Une fois tous les 10 ans. À chaque fois qu'Astier sort un truc, j'y vais. Donc du coup, j'attends. Et un dernier mot? Chaussures. Chaussures, nous garderons ça. En attendant, Lucas, il va falloir que tu transises avec chaussures. Bon, bah, c'est l'heure de ma chronique, effectivement. Donc, salut tout le monde, je me présente parce que j'ai dû dire deux mots depuis le début de l'émission. On m'a pas trop entendu, mais ouais, je suis bien un chroniqueur. D'ailleurs, je sais pas trop ce que je fous là, mais bon, c'est pas grave, hein. Je vais quand même vous faire ma chronique. C'est l'heure du décodeur. Le décodeur. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit résumé de la dernière décennie dans le monde du numérique. Et j'ai fait quelques recherches, franchement, vous allez être étonnés. Est-ce que vous savez déjà quel site était le plus fréquenté au début des années 2010? Xvideo. Pornhub. Je ne commenterai pas. Il y en a un qui a compris. Ils sortent sa partie de League of Legends pour faire ouais, Pornhub, je connais. Lycos. Le cul, toujours du cul. Lycos, Yahoo, un truc comme moi, ça. Moi, je connais la réponse, mais bon. C'est pas si compliqué, hein. Franchement, c'est le site le plus connu. Là. Moi, je le sais. Google ne compte pas être un moteur de recherche, mais. Facebook. Ouais. Ah, c'est ça. Ah, oui, ouais. Effectivement, c'est bien Facebook. Bon, Zuckerberg, c'est quand même le meilleur. Hein. D'ailleurs, on lui passe le bonjour. À l'heure actuelle, il doit nous écouter depuis sa Twingo. Ouais, certainement. Certainement. Hein. En parlant de lui, est-ce que vous avez vu ce qu'il avait déclaré en début d'année? Il abandonne ses bonnes résolutions annuelles. En même temps, quand t'es la 8e fortune planétaire, c'est quoi tes bonnes résolutions? Je suppose que d'ailleurs, vous avez eu des petites résolutions pour 2020? Pas du tout. Pas une seule, coach. Arrêtez de fumer pour la 158e fois. Ah. Et on a dit que j'étais bien parti. Yann, peut-être une résolution? Mettre des bonnes notes à mes étudiants. Le vilain. Quel bon professeur. Oh, il bâche le mec. Toi, Lucas, c'est quoi ta résolution pour 2020? Moi, mon objectif, c'est faire un maximum de chroniques de merde. Je pense que je suis bien parti, tu vois. Ouais. Ça va, là. Bon, sinon, pour en venir au classement des sites les plus fréquentés en 2009, en deuxième position, on retrouvait la plateforme de diffusion YouTube. Ouais. Bon, maintenant, si je vous demande... C'est quoi les deux sites les plus fréquentés aujourd'hui, à l'heure actuelle, à la fin de la décennie? Je dirais la même chose, Facebook et YouTube. Exactement, ça n'a pas bougé. Enfin si, YouTube est passé devant Facebook. Donc voilà, si je devais résumer cette décennie du numérique, je dirais que rien n'a changé en fait. Merci, fin de chronique. Non, Lucas, non. Super. Non, j'allais pas vous laisser comme ça. Donc pour en venir au numérique, je me suis posé plein de questions pendant que je la préparais, cette chronique. Et franchement, j'aimerais bien savoir comment, en 10 ans, on est passé de MSN à Snapchat. À quel moment c'est parti en couille, Yann? Au début de cette chronique. C'est pas vrai. Non mais sérieux, franchement. En 2009, moi j'avais 10 ans, ok? À 10 ans, mon seul but dans la vie, c'était d'ouvrir des paquets de cartes Pokémon. Aujourd'hui, à cet âge-là, les gamines, elles sont toutes sur Tinder. Je le vois aussi dans ma famille, hein. J'ai un petit cousin de 7 ans, il est sur Facebook. Sérieux, je comprends pas. À cet âge-là, comment tu peux être sur un réseau social? Aujourd'hui, les gamins, ils apprennent à faire tout d'abord de s'inscrire sur Facebook, pardon, avant de faire leur lacet. Je trouve pas ça normal. Et puis attendez, vous savez pas la meilleure. Il y a un mois, j'ai assisté à une conférence sur les effets néfastes du numérique. Ouais, c'est bizarre, mais je l'ai quand même bossé cette chronique. Et pendant cette conférence, j'ai appris que certains parents créent un Facebook à leurs enfants avant même leur naissance. Non. Ah ouais. T'imagines si. Un peu le délire? Non. Ouais, c'est chaud. Arrête. T'es même pas né, t'es déjà né en fait. Ouais, qu'est-ce que tu disais, Florian, tout à l'heure, une petite citation de... Les cons s'osent tous, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Ah merci, c'est gentil. Bon, sinon, j'ai quand même noté des évolutions positives en 10 ans. La première, c'est le sans contact. Ah, le sans contact, qu'est-ce que c'est pratique. Vous imaginez les mecs qui ont inventé ça ou pas? Une idée. Il me faut une idée. Les gars se sont demandé comment faire perdre de l'argent aux gens encore plus rapidement. Des génies, les types, des génies. Non, franchement, c'est une galère, ce sans contact. La dernière fois, j'étais au resto, et quand il a fallu payer, je me suis rendu compte que j'avais perdu mon porte-monnaie. La routine, quoi. J'ai tout de suite maté mon téléphone pour voir les dernières transactions. Le temps que je fasse opposition, t'inquiète pas que le petit malin qui avait chopé ma carte, il s'était fait plaisir. Hein. Ça, il faut rendre à vous-même ce qui appartient à vous-même. Bon, après, j'aimerais bien qu'on parle des réseaux sociaux aussi. C'est totalement parti en live. Pendant longtemps, on n'avait pas de pub sur Facebook, Insta, YouTube. Maintenant, t'ouvres un de ces réseaux, t'as l'impression que tes influenceurs préférés sont devenus des robots. Il y a des placements de produits de partout. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ouais, il y en a énormément. On est d'accord. Même le 4Gamer, hein, on voit du placement de produits de partout. 4Gamer. On a répété ce nom, je ne sais pas combien de fois depuis le début. Ça faisait un peu... Ça devait faire après, quoi, 10 après, minutes pour ce qui est du placement de produits, pour, tu parlais de qui déjà? Oui, tu parlais des influenceurs. Ouais. Malheureusement, je pense que c'est l'évolution naturelle, sûrement, qui voulait ça, sur ces plateformes-là, pour qu'ils puissent en vivre, continuer ouais. à en vivre. Quoi. Je dis pas, mais ça casse un peu ce mythe oui. de, non, mais de ton ça idole. Casse un mythe, mais c'est la rémunération des pubs YouTube qui a fait en sorte qu'ils étaient obligés de faire ça. Même les joueurs du grenier se permet de le faire maintenant, mais il le fait de manière assez rigolote. Ah, c'est ça qui est cool. C'est ça. Ça passe mieux comme ça. Ouais. Bon, en même temps, quand tu vois l'évolution de notre consommation des nouvelles technologies, je trouve ça normal. Selon Statista, en 2009, seulement 12% des Français possédaient un smartphone. Aujourd'hui, 81% de la population française en possède un. C'est pareil, il y a 10 ans, un Français passe en moyenne 1h30 sur Internet. Aujourd'hui, on passe en moyenne un peu moins de 5 heures par jour. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ça a totalement changé en 10 ans. Ouais. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'on devient feignant. Vous connaissez tous Uber Eats, oui. Just Eat, ouais, ouais. Deliveroo. C'est la pire escroquerie, sérieux. Et pourtant, on est là, on continue à payer 20€ pour un panini au fromage moisi. Ouais. Tout ça parce qu'on a la flemme de bouger notre cul du canapé. Bon, je critique, mais je suis le premier à consommer. Hein. Ouais, vous avez bien raison. Je suis le deuxième. Ah, une bonne équipe. J'ai jamais commandé chez Uber Eats, Deliveroo ou compagnie. Jamais. Eh ben, ne commence pas. Ne commence jamais. Tu ne pourras jamais t'arrêter. Ah, non, mais ça m'intéresse pas, en fait. Franchement, je préfère me faire des pâtes, quoi. Sans déconner. Encore faut-il avoir après, des pâtes. Ouais, ouais c'est ça. Ça. En avoir. Mais après, chaque... T'es pas obligé bon, de commander non plus de la junk food systématiquement, parce qu'apparemment, ces boîtes-là livrent aussi des restos classiques. Ah oui. Ouais. Bon, pourquoi pas peut-être un jour avec un resto classique. En termes de système économique, hein. C'est dégueulasse. Mais non, mais j'aime pas la junk food en général, donc Deliveroo, Uber Eats pour le McDo. Tu parles de feignantise, mais ça va plus loin. Moi, j'ai des clients qui vont me demander Uber Eats pour se faire livrer du hot tacos qui est à 50 mètres. Ah, t'es sérieux? Ils ont la flemme de faire 50 mètres. T'es sérieux, tu vois. Là ouais, ils préfèrent payer 3 balles à un livreur. Tu vois. Ça arrive. Voilà. C'est fair play. Bon, si je devais résumer cette décennie du numérique en quelques mots, je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technologie. Moi, si je devais résumer le numérique aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main. Peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face. Je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas, comme je disais là, puisque moi, au contraire, j'ai pu. Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens demandent aujourd'hui, mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis, c'est ça, c'est le goût de l'amour. Ce goût, donc, qui m'a poussé aujourd'hui à vous faire cette chronique de merde. Mais qui sait demain? Ah, on fait une bravo. Formidable dédicace à Edouard Baird, oui, merci Lucas. Edouard. Je vais juste rajouter un truc, juste pour ceux qui regardent la vidéo, est-ce que Lucas, tu peux te lever et montrer parce ton que, putain de en fait, t-shirt voyez, ah non, vous mais sans pas, déconner, j'avais pas fait gaffe. Ce que vous voyez pas, pour ceux qui font que nous écouter, il a la réplique entière du film sur son t-shirt. Ça peut être très pratique quand tu oublies ton texte. Ah mais quand j'étais ado, j'avais essayé de l'apprendre par cœur, deux têtes, tu vois. J'ai jamais réussi, ça fait deux jours dur. C'est super dur. Bon, c'est là-dessus qu'on se quitte, c'était la première de la Geek Nation, on espère que ça vous a plu. Merci à tous de nous avoir écoutés, merci à notre public du 4Gamer, merci à notre invité et à son équipe pour leur accueil chaleureux. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission pleine de surprises. Vous pouvez nous retrouver sur Mixcloud, Podcloud, Soundcloud, ça fait beaucoup de cloud, et sur la chaîne YouTube du collectif La Nation Geek. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook La Nation Geek pour savoir comment participer à l'événement. Et n'oubliez pas... Comme disait l'ami Franck, jouez bien, jouez intelligent, jouez avec les mains et pas avec les dents. Et je rajouterais que nous sommes une nation. Il va falloir compter avec nous maintenant. On vous laisse avec une surprise. Je pense que nous avons un live à présenter. Pour terminer cette émission. Allez, on place. Pose ton son. Et toi de l'autre côté. Et pendant ce temps, dans la nation geek, nous sommes toujours au... 4Gamer. On va vraiment enregistrer un jingle. Alors, je vais être très honnête avec vous, dans les 3 secondes qui vont suivre, les micros seront tous coupés, sauf un. Okay. Au revoir. Au revoir. Donc, c'est l'occasion de dire au revoir à nos amis et à tous ceux qui ont osé nous écouter jusqu'au bout. Oui. Le thème de ma prochaine chronique sera sur le domaine de la science-fiction. Bisous. Okay, au revoir, merci à tous. Oui, bien, je connais pas le prochain thème de ma prochaine chronique, mais c'est pas grave. Merci à tous, merci Coach de nous avoir accueillis chez toi. Avec plaisir. Merci Florian, merci Lucas et merci Yann mais pour cette animation de qualité. Comme d'hab. Lucas, un dernier mot. Merci beaucoup à tous. Franchement, pour une première, vous m'avez bien accueilli. Merci Yann de m'avoir invité dans cette émission. Mais de rien. Et à une prochaine, j'espère. À une prochaine. Un, deux, un, deux. C'est bon, on est parti. Ici, on joue aux jeux vidéo, on fait des kills comme Ezio. C'est aussi l'occasion de jouer avec les mots. Super, le slam brosse tous les thèmes. On parle de Super Mario Bros, Resident Evil et FIFA. Et toi, dis-moi, quel jeu vidéo t'aimes? On essuie les plâtres, c'est l'émission Crash Test. Nos chroniqueurs sont des bêtes, nos auditeurs sont les bestes. On calme nos bouches proches du micro, ça devient louche. De cette façon, on crache du son et les bandits écoutent. Scoop! Au fond, entre Fortnite et Street Fight à la Batman's Dark Knight, des joueurs en mode rétro testent Crash Bandicoot. Excès de zèle, da, on se les gèle, da. Comme PNL, da, c'est la Russie, da. La Sibérie, da, Big Bang Theory, da. Encore, encore un dé, bas. 007 FM sur les ondes, est-ce que James Bond deviendra James Blond? Autre question, autre débat, FIFA ou PES? Ah ouais. C'est comme un choix entre position fœtale et PLS. Entre chicha et vapote. Et toi, dis-moi, quel team tu supportes? Amateur ou expert e-sport? Pause. Allez, un hot dog au curry et c'est reparti. Les amis, d'autres joueurs s'éclatent à Bomberman. Parole de Slam Dog. En voyant les sorties jeux vidéo de 2020, je me lâche les babines comme un Doberman. Hans, rembobine. Je suis offusqué, trop de temps à attendre avant Last of Us 2. J'ai les sens affûtés comme un héros de la Ligue des Justiciers. Plein de clins d'œil au monde du ciné. Ma, je suis halluciné. Bref, en 2020, c'est décidé. Je deviens un cyberpunk. Je vais faire de la cyberfunk. Oh, trop de chroniques hors normes. La Geek Nation, c'est une émission énorme. Merci aux 4Gamers. Demain, 4Gamers un autre jour. Merci pour votre écoute. Slam Dog Visionnaire au mic. Ciné, game, actu. La Geek Nation.